dans le destin de ce film là, dans le destin de ce film là, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Bébé, qu'elle ne se passe pas mal. Lâche-la. C'est terminé. Au nom de Jésus, garde ça ouvert. Garde ça ouvert. Lâche-la. Quitte son corps maintenant. Maintenant, maintenant, c'est terminé. Allez, c'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Garde-la maintenant. Lâche-la. Lâche-la, c'est terminé. C'est terminé. Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la. Va. Et ne retourne plus jamais. Plus jamais. Plus d'oppression. Terminé. Terminé. Terminé. Lâche-la. Laisse-la. Laisse-toi. Mets-la comme ça. Lève ta main maintenant. Laisse-la maintenant sur ce processus. De rester vraiment calme. Laisse-la tranquille. Maintenant, avec nous, c'est intéressant. Laisse-la, laisse nettoyer déjà. Va aux toilettes. Bonsoir. Comment vous allez? Vous allez bien, les frères? C'est que vous êtes le président, non? Si vous avez le téléphone, mettez sur mode vol pour que ça ne dérange pas quand on est en train de travailler. Si vous voulez enregistrer, vous mettez sur mode vol d'abord, vous enlevez le réseau pour que ça ne dérange pas, ça c'est un. Deuxième chose, pour que lorsqu'on vous en êtes enregistré, on vous appelle, ça ne coupe pas l'enregistrement. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Si le ventilateur vous dérange là, j'arrête d'abord, parce qu'apparemment il ne fait pas chaud, non? On laisse le ventilateur. Ok. Bon, je suis à votre service maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? Quelqu'un a-t-il une question? Si vous avez des questions, vous posez. Toutes les questions, je réponds. Et puis, par la suite, on va dans la parole, on voit là où le Seigneur va nous conduire ce soir. Vous aimez le Seigneur, n'est-ce pas? Vous aimez le Seigneur, n'est-ce pas? Même si la vérité en ça tranche le cœur, vous aimez quand même, n'est-ce pas? Les deux dernières séances, nous avons vu attention, ou bien comprendre les avertissements pour éviter l'apostasie, quelque chose comme ça. Et nous avions dit que cette séance, nous parlerions des miracles et autres. Nous allons en parler, nous allons en parler donc. Je ne sais pas combien, si ça peut durer une séance, si deux séances, si trois séances. Bon, commencez donc à noter. On pourra lire certains des versets que je vais donner maintenant, puis d'autres, je vais en parler. Commençons, notons Matthieu 24. Matthieu chapitre 24. Je vais vous donner le chapitre, les versets tout à l'heure. Enfin, on va prendre les versets. Notez Ésaïe 14. Ésaïe chapitre 14. Que le Seigneur vous bénisse. Je sais que ce n'est pas conventionnel la façon qu'on travaille, n'est-ce pas? Ce n'est pas standard, ce n'est pas conventionnel. On s'attend à ce qu'on chante les cantiques, on tape sur le piano, on fait des choses sur le moment de ceci, puis on fasse à ceci, puis on fasse à ceci. Ce n'est pas conventionnel. Ça risque de déranger, mais... Allons-y. Ésaïe 14. Matthieu 24. Matthieu 24, c'est déjà passé là. Ésaïe 14, vous avez noté. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. Jean chapitre 12, verset 37. Jean chapitre 5, quand il dit le chapitre, il ne dit pas le verset, c'est pour qu'on va y revenir. Et donc, c'est moi le chapitre. Jean chapitre 12, maintenant, le verset 37, c'est ce qu'il dit, n'est-ce pas? Le chapitre 14, du livre de Jean aussi. Chapitre 14, le verset 12. Marc chapitre 16, verset 15 à 17. Marc le chapitre. Comment tu descends, ma soeur? Marc chapitre 12, chapitre 4. Je suis où là? C'est en réalité, vous voyez, c'est de cette ambiguïté là. Il tente de vouloir dire quelque chose par rapport à. Et puis maintenant, je suis ici avec les versets ici. Je suis dans Marc chapitre 16. Verset 15 à prenez jusqu'à 18. Jusqu'à 18. Matthieu, chapitre 4, verset 1 à 10. Matthieu encore, chapitre 11 et 12. Eh bien, comme je vous donne, enfin, vous voyez que je ne suis pas en ligne nulle part. Donc, lorsque je commencerai à parler tout à l'heure, là, les choses sortiront dans tous ces passages que je vous ai donnés. J'ai pu avancer. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1 à 15. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1 à 15. Livre du prophète Jérémie. Prophète Jérémie. Jérémie. Chapitre 28, chapitre 27 et chapitre 28. Vous y êtes? Non. Jérémie chapitre 27 et chapitre 28. Vous savez, je suis en train de sourire à cause des frères, parce que les frères sont essoufflés un peu par rapport à la prière qu'ils ont faite là-bas. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est à force de forger qu'on devient forgeron. C'est à force de prier qu'on prie vraiment. Vous y êtes? Jérémie chapitre 27 et chapitre 28. Vous avez noté? Apocalypse, le chapitre 16. Apocalypse, le chapitre 16. Notez également le chapitre 11, versets 3 à 6. Le chapitre 11 d'Apocalypse. Vous y êtes. Notez Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2. Alors, le pasteur qui a assez. Le pasteur, il dit que comme ma femme naît, comme ma femme note. Hein, le pasteur lui, il dit comme ma femme note, ça va. Ma femme note, c'est pour moi et c'est normal. Donc j'ai dit Hébreux maintenant, chapitre 2, verset 4, n'est-ce pas? Actes des apôtres maintenant. Actes des apôtres, chapitre 1, le verset 8. Si vous avez noté, vous le dites. Vous avez noté le verset 1, chapitre 1, verset 8. Chapitre 8, verset 1 à 13. Chapitre 13, Actes des Apôtres maintenant. Chapitre 13. Verset 8 à 14. C'est bon, n'est-ce pas? Voilà. Je crois qu'avec ça, on peut commencer maintenant. On peut véritablement commencer. Puisse le Seigneur lui-même ajouter les bénédictions maintenant à la lecture de sa parole. Et qu'il nous conduise maintenant. On peut y avancer maintenant. Donc, les deux dernières semaines, nous avons mis en évidence le fait qu'il faut qu'on fasse attention. Parce que la Bible nous a montré, on a vu au fur et à mesure dans tous les versets que nous avons vus, que Dieu nous a mis en garde. Il a mis déjà les gardes-fous pour que ceux qui vont venir par la suite ne soient pas surpris de ce qui est en train d'arriver. Et l'une des choses que nous avions dit, c'est que la plus grande, l'une des prophéties de la fin des temps, c'est l'apostasie. Et plusieurs fois, on a lu dans des versets, on a dit qu'il y a eu parmi les peuples de faux prophètes, il y aura parmi vous de faux docteurs. Donc, on a de nous prévenir comme ça qu'il y aura de faux docteurs, on a vu cela. On a vu effectivement que l'apôtre Paul dit que l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, plusieurs abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines des démons. Donc, les démons vont venir enseigner. D'accord? Ils se donneront un foule de docteurs. Le démon ne sort pas physiquement pour venir enseigner. On n'a jamais vu un démon en train d'enseigner quelqu'un. Donc, les démons sont dans les êtres humains en train d'enseigner en plein milieu chrétien. On a vu cela. Et la Bible déclare donc que, on a vu de, principalement dans le livre de 1 Jean chapitre 4, il a dit que bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais sondez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est des dieux. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas des dieux. C'est celui de l'Antichrist dont vous avez entendu la venue de qui est maintenant dans le monde. On a vu cela dans 1 Jean chapitre 4, verset 1 à 4. C'est ce qu'on a vu la dernière fois. Et nous avons vu particulièrement par rapport à ce verset que le fait que le Saint-Esprit dit « Mais éprouvez les esprits », c'est un appel aux chrétiens à user du jugement par rapport au discernement. Le fait que quelqu'un tombe dans les pièges de l'apostasie montre clairement qu'il n'a pas usé de l'autorité que Christ lui a donnée, le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 24, verset 6 dit, quand on lui a posé la question par rapport « Quel sera ton avènement ?» À quel signe serons-nous que ces choses arriveront ? Il dit « Prenez garde. » Quand il a répondu, première chose, « Prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde. » Prenez garde. À chaque fois, la mise en garde. Nous avons vu l'apôtre Paul qui quittait, quand il voulait quitter la scène, dans Actes chapitre 20, verset 17 à 30, il a dit à ses disciples, il a envoyé appeler, on a dit, la dernière fois nous avons lu, des milliers, il a envoyé appeler à Éphèse les anciens de l'église. Lorsqu'il fut venu, il a dit que vous savez que je n'ai pas craint de vous enseigner publiquement et dans les maisons, et je vous ai annoncé tout le conseil des dieux. Et me voici maintenant lié par l'esprit, je m'en vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui est arrivé. Mais dans chaque ville où je passe, le Saint-Esprit m'avait dit que des liens de tribulation m'attendent. On a vu cela la dernière fois. Il dit maintenant, je suis plus du sang de vous tous. Vous aux yeux de qui j'ai prêché, j'ai passé pendant 2 ans en prêchant le royaume de Dieu et la repentance envers Dieu. C'est ce qu'on a lu là-bas. Il dit maintenant, voici, il s'élèvera du milieu de vous. Je sais qu'après mon départ, je sais. Quand il veut quitter la scène, il s'élèvera du milieu de vous. Des loups cruels qui n'épargneront pas point le troupeau. Vous entendez ce que l'apôtre Paul dit? Il dit qu'il sait que ça va arriver. Or, il ne dit pas ça pour qu'on puisse croire que ça n'arrive pas. Parce que ce sont les choses, il dit ces choses-là afin que les gens sachent que c'est censé dire. Quand les choses sont écrites dans la Bible, vous montez, vous descendez, ça doit s'accomplir. Parce que c'est la parole de vérité. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Et nous avons lu une de ces fois également dans Jean chapitre 16, verset 2. Il dit que l'heure vient où quiconque vous fera mourir, croira rendre un culte à Dieu. Ils vous excluront des synagogues. Nous avons lu cela. Et on a vu que c'est exactement ce qu'il arrive. Quand vous êtes dans un milieu où on ne dit pas la vérité, vous prenez position pour la vérité, c'est vous qu'on taxe des faux. On se lève contre vous. Pourquoi? Parce que peut-être vous n'avez pas une position, vous n'avez pas fréquenté, vous n'avez pas fait autre chose. On croit effectivement que c'est le fait qu'ils soient des prêchés, ou qu'ils sont les grands docteurs, qu'on les reconnaît publiquement, qui fait sorte qu'ils soient admis de Dieu. La personne qui prend la position de Dieu, c'est la personne qui tient ferme dans la vérité. Amen. Il peut être seul, cette personne peut être seule, quitte à ce que la grande majorité soit raffinée, connue par le roi, connu par la terre, avoir les diplômes de reconnaissance, mais s'ils ne sont pas dans la vérité, ils sont totalement à côté de la plaque. C'est ça. Il s'agit d'être avec le Seigneur Jésus. Et être avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est prendre la position de la vérité. Le Seigneur Jésus-Christ a dit dans 1 Jean chapitre 14, verset 6, il dit que je suis le chemin. Il n'a pas dit un chemin, un des chemins. Il a dit je suis la vérité et la vie. Et en Jésus-Christ, il ne peut pas avoir le mensonge et la vérité. C'est la vérité. Donc, ça veut dire que si on veut dire quelque chose concernant le Seigneur Jésus-Christ, ça doit être conforme à ce que la Bible a révélé. Si c'est pas conforme à la Bible a révélé, tout ce qu'on y ajoute, la Bible dit, vient du diable. Et donc, nous avons également vu pourquoi le Saint-Esprit donnait l'avertissement que plusieurs personnes se mettent point à enseigner. Vous voyez, parce qu'on sera jugé plus sévèrement. Les gens croient peut-être que comme ils sont éloquents, ou bien le fait qu'on part fréquenter dans une école, ça nous donne le droit donc, d'enseigner directement. Ça, dans le cadre du monde, c'est quand même bon, parce qu'on peut regarder dans le cadre comme ça, comme avant. Quand les époques coloniales, on regardait quelqu'un fréquenté, il arrivait au niveau de CPE, on le prenait, il devenait maître d'école. Après 4 ans, il est directeur d'école sans avoir formé, passé à une école de formation. Mais aujourd'hui, pour être directeur d'école, il va falloir que vous ayez un ministre à Yaoundé. Pas vrai? Que vous négociez. Avant, on venait au quartier, on choisissait les gens pour être militaire. D'autres refusaient même d'être là. Pour entrer au concours militaire aujourd'hui, les gens négocient pour aller, pour qu'on les tue. Et d'autres personnes donnent à l'argent, ils ne peuvent même pas entrer dans le recrutement militaire. Pourtant, c'est là où les gens fuient avant. On est venu les ramasser pour qu'ils vont sur le monde à l'envers. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ces potentialités-là qu'on met au service du monde, dans le corps de Christ, ça a son fonctionnement. Le fonctionnement, c'est ceci, c'est que si Dieu ne t'a pas appelé à faire quelque chose, il faut quitter le poste. C'est aussi simple que possible. Si Dieu ne t'a pas appelé, Dieu n'a pas besoin d'aide. C'est qu'il a fait son programme à lui. Et quand il a fait le programme, par conséquent, depuis qu'il a fait ce programme-là, il a déjà choisi les gens qui doivent travailler. C'est pour ça qu'il dit souvent dans les enseignements qu'il n'y a pas de poste à pouvoir chez Dieu. Il n'y a pas de monde qui dit que Seigneur, utilise-moi. Non, non, non. Ce qu'il a connu d'avance. La Bible déclare dans le livre d'Éphésiens chapitre 1, Les versets, si vous lisez votre verset, le verset 9 et verset 10, c'est un plan que Dieu avait préparé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque le temps sera accompli. Dieu, il est tellement sage qu'il connaissait effectivement que le frère ici, serait ici, où il avait la bille jaune, avait la main positionnée comme ça. Il savait. Il ne pouvait pas manquer à la règle. Amen. Alors, ça veut dire, cette maison dans laquelle nous sommes, c'est un constructeur qui l'a fait. Le monsieur qui a financé de la maison, maintenant, c'est lui qui est le propriétaire de la maison. Il y a un ingénieur qui a dessiné le plan, les électriciens ont participé, celui qui fait les, quoi, vous appelez la chaudronnerie, mais je ne sais pas moi trop, les tauliers, les charpentiers, tous ont collaboré. Un électricien ne peut pas se lever là, commencer à dire que je vais monter le mur, si vous savez très bien que c'est un bricoleur. Il vient mettre le câble dans le mur, il place l'interrupteur, il connaît que en électricité, de la partie du sol jusqu'à la partie où l'interrupteur se produit, c'est 70 cm, c'est la norme là-bas, c'est le standard. Mais vous donnez ça à un maçon, le maçon ne doit pas savoir, il peut mettre ça n'importe où. Croyant que si on met n'importe où, l'exercice c'est quand on met ça au mur. Mais l'électricien va savoir que de la porte à là où il y a l'interrupteur, ou bien de la hauteur du ciment jusqu'en haut, ça respecte une certaine norme. Il y a une éthique. Or, vous ne pouvez pas savoir toutes ces choses-là. Vous ne pouvez pas en même temps être spécialiste en maçon, spécialiste en chaudronnerie, spécialiste ici. Tu dois avoir ce que tu dois faire. Vous savez, vous comprenez cela. Hein? Alors, donc, dans cette maison-ci, donc, toutes ces personnes-là ont fait le temps, c'est que quand ils finissent de mettre, il y a le carrelage qui vient mettre là-bas. Le peintre vient, quand ils ont fini totalement, le peintre vient passer la peinture au mur. Vous pouvez voir en croyant que non, c'est tout simplement, c'est vrai, il suffit de plonger la lettre de maître. Mais le peintre va te dire que cette composition, ce style de mur, il faut mettre telle chose avant, induire de telle chose avant de mettre la peinture. Toi qui es électricien, tu dis, hey, c'est compliqué comme ça chez vous. Est-ce que vous comprenez ça, mes chers? Alors, toi qui es peintre, vraiment, tu vas regarder l'électricien monter au plafond. Que l'ampoule est grillée. Tu dis, mais comment il va me faire? Tu montes au plafond avec lui. Il y a des câbles là-bas tellement que tu dis, mais le tissu va s'en sortir. Lui, il attrape deux câbles, il les suit, il commence à travailler là-dessus. Tu dis, mais comment tu sais que c'est les deux câbles ici qui vont là-bas? Pourquoi il y a la nomenclature sur le rouge et le noir? Il peut suivre le rouge, il peut suivre le noir, sachant que si ça continue, dans toute la maison, la continuité, ce sera rouge et noir. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Or, si tu n'es pas du métier, tu ne peux pas savoir toutes ces choses. De même, en est-il du corps du Seigneur. Quand le Seigneur a dit, je bâtirai mon église, il a choisi ceux qui vont mettre la fenêtre, choisi ceux qui vont mettre la fondation. L'apôtre Paul dira dans la Bible que j'ai posé les fondations comme un sage architecte. L'apôtre Paul sait que c'est la fondation qu'il a posée. Il n'a pas dit qu'il a bâti l'église. Si l'apôtre Paul avait bâti l'église, on se serait terminé depuis. Jésus a dit, je bâtirai l'église. Il a donc choisi les gens qui sont censés poser les fondations. L'apôtre Paul a dit, j'ai posé la fondation. Il dit que, et un autre bâti dessus. Il savait que son rôle c'était de poser la fondation. Vous avez été édifié, votre construction c'est sur le fondement des apôtres et des prophètes. Donc la suite des chrétiens devait être basée là-bas. Alors, c'est vrai que toute la continuité va être faite d'après un modèle qui a été positionné. Cette maison, si nous sommes au premier étage ici, si vous allez en bas, ça respecte une affinité jusqu'en bas. Le jour qu'on a creusé, on a mis la fondation, pour que ça puisse soutenir ces niveaux-ci. Ça, ce n'est pas un électricien qui a fait. Il faut quelqu'un qui va étudier le sol, regarder les différentes affinités par rapport au sol, par rapport au poids et la norme de la maison. Il faut que ce soit quelqu'un de spécialiste qui fait cela. On ne peut pas donner n'importe quel style de maison à quelqu'un de construire. C'est donc pour ça que Dieu a choisi effectivement les éléments essentiels pour pouvoir mettre la fondation. Pour que ça ne soit pas les gens qui tergiversent. J'ai bien dit que il faut vérifier. Donc pour que ça ne soit pas les gens qui tergiversent, c'est pour ça qu'elle a dit que ça soit les apôtres là, dans le temps comme il a choisi, qui mettent les fondations. Quand ils ont mis les fondations, je vous le dis au nom du Seigneur Jésus-Christ, la fondation de l'Église est inébranlable. Pourquoi? Parce que c'est Jésus-Christ lui-même qui a la pierre angulaire. C'est inébranlable. Ils ont posé la fondation. Il a dit que aucune autre fondation ne peut plus être posée. Ça a été déjà posé. Maintenant, il dit un autre bâti dessus. Il dit que chacun prenne garde de la manière dont on bâtit dessus, car aucun autre fondation ne peut plus être posé. Donc, ça veut dire que nous sommes en train de continuer comme ça. C'est la suite que les apôtres ont fait. C'est ça, n'est-ce pas? Alors, donc, dans cette progression-là, il faut qu'on comprenne donc, certaines choses. Certaines notions, c'est que, un, deux choses se trouvent en milieu de nous. Dans Éphésiens chapitre, notez également ceci, Éphésiens chapitre 4, verset 11, de verset 8 à 11. Éphésiens chapitre 4, verset 8 à 11. Puis vous notez 1 Timothée chapitre 4, et 2 Timothée chapitre 4. J'espère que vous associez bien ce que j'en ai dit. Je vais revenir sur ce, je vais dire quelque chose là maintenant, parce que ça traverse ce que nous allons voir. J'ai dit, vous donnez noter Éphésiens chapitre 4, verset 8 à 11. 1 Timothée chapitre 4, puis 2 Timothée chapitre 4, chapitre 3 et chapitre 4. C'est ça, n'est-ce pas? Voilà, maintenant, écoutez très attentivement. Dans Éphésiens chapitre 4, il est question du Seigneur Jésus-Christ qui est descendu plus bas. et qui est remonté. Vous êtes d'accord? Avant, c'est d'abord, disons d'abord, et puis il dit ce qu'il veut, il dit là rapidement. Éphésiens. Si vous avez déjà lu la Bible tout entièrement, ça me permettra de déposer la Bible là-bas. Je vous donne les versets comme ça. Il commence à dire tout ce qui est écrit là-dedans. On avance. On n'aura pas le temps de perdre les livres, d'ouvrir et les lire comme ça. Mais c'est toujours bien d'ouvrir et lire et vérifier. N'essayez pas, ne soyez pas de ceux qui ont dit que non, non. Tel verset dit comme ça. Je dis non, non, non, non, non. Je connais, j'ai dit. Il faut vérifier. Parce que votre cerveau peut vous jouer des sales tours. Alors maintenant, Éphésiens chapitre 4, regardez le verset 8. Regardez. C'est, vous y êtes? Éphésiens. C'est fort, hein? Éphésiens chapitre 4, verset 8. Je vais lire là. C'est pourquoi il est dit, étant monté, je vais vraiment que vous ayez les yeux là-dessus. Parce que ce qu'on va faire ce soir tournera autour de ceci. Quand on va quitter ici, sur la terre, on va rentrer dans les cieux, on va continuer. Ok, maintenant. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené les captifs. Vous avez vu le temps du verbe, mes chers. On dit, c'est pourquoi il est dit. Je crois qu'il va falloir comprendre à partir du verset 5. Regardez, il va prendre votre verset pour que vous compreniez pourquoi on dit cela. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême 6, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Je vais d'abord m'arrêter. Ça ne veut pas dire que Dieu est dans tous les êtres humains. Il parle des chrétiens ici. Donc il faut que vous dites que Dieu est en tout le monde, que Dieu est en toi, Dieu est en moi, Dieu est en nous, comme les païens disent là. Verset 7. Mais regardez très attentivement. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Donc à chacun, comme il est en tous les chrétiens là, il y a une mesure de don de Christ qui a été donnée à chacun. C'est donc pour cela que si tu essaies de dire que je vais faire comme tel frère, je vais faire comme telle soeur, tu en as été trompé. On n'essaie pas d'imiter quelqu'un dans le corps de Christ. Chacun a tout simplement sa place. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 18 dit que et Dieu a placé chaque membre dans le corps comme il a voulu. Si Dieu te place dans une position d'apostolat, il t'a placé celui qui est choisi. En fait, celui qui bâtit la maison, comme je te l'ai dit. Donc, celui qui choisit quel ouvrier va travailler. Regardez bien ce que Jésus a dit à ses disciples dans Luc chapitre 10. Il dit, priez donc, il dit, la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson de faire quoi? D'envoyer. C'est lui qui doit envoyer. Lui qui doit envoyer. D'envoyer les à ça. Donc, c'est Dieu qui doit prendre l'initiative d'envoyer quelqu'un. Quelqu'un doit être envoyé. S'il n'est pas envoyé, étudie n'importe quoi, sois sage, donne les diplômes, signe n'importe quel diplôme, ça c'est pour toi. Maintenant, regardons ici. On dit donc que, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Vous entendez, n'est-ce pas? Puis il explique maintenant que c'est pourquoi il est dit. Ceci se trouve dans le livre des Psaumes, chapitre 69. Si vous voulez, vous prenez votre livre des Psaumes 68, verset 19. Lorsque vous lisez le Psaume 68, verset 19, vous allez voir effectivement que c'est écrit là-bas. Il a donné en don les hommes, maintenant dans le 668. Mais regardez ce que le Saint-Esprit dit ici par l'apôtre. Il dit, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs. Et il a fait des dons aux hommes. Ah, j'aime ces paroles particulièrement. Suivez attentivement. On dit, il est en train d'expliquer quelque chose. Il dit, mais à chacun, comme Dieu à nous tous là, nous tous. Mais à chacun, une mesure a été donnée selon le don de grâce. Donc c'est selon que Dieu a programmé que Jésus va recevoir telle chose. Il explique que c'est pourquoi il est dit que celui qui, étant monté, il a amené. Vous avez vu ce qu'il a dit? Il a, pas qu'il va. On parle de la résurrection de Christ quand il montait. Il a, je veux que vous suivez le temps parce qu'il y a une implication. Il a amené le captif et il a fait des dons aux hommes. Donc quand il a amené, il a aussi fait quelque chose. Au milieu des hommes, il a fait des dons. Or, nous sommes 2016 ans maintenant plus tard. Et les gens, ça sera tout pour être serviteur de Dieu. On dit qu'il a. C'est terrible. Alors, avançons ici, regardez. Verset 9. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre, dont Christ est allé sous la terre. Suivez attentivement. Maintenant, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Remarquez bien, si vous lisez ça, vous ne comprenez pas que Christ Jésus est Dieu. Il faut sûrement que vous oubliez. On dit que Christ montait, il remplit toutes choses, il est au-dessus de toutes choses, Christ, Jésus. Maintenant, suivez attentivement, verset 11. Et il va donner les uns. Et? Ok. Depuis, on a utilisé un temps au verset 8. Celui qui est descendu, c'est lui qui est monté. Il a amené le captif et il a donné les dons aux hommes, n'est-ce pas? Et si on dit que, et il va donner les uns comme apôtres. Il à quel moment donc l'apôtre parle de Christ là, alors que lui-même Jésus n'était pas encore, Jésus était déjà venu sur la partie. Nous sommes devant l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit que il a, l'apôtre Paul, physiquement étant là, il dit que il a donné. Quand il dit il a, c'est derrière l'apôtre Paul encore. Pas vrai ça? Il dit que il a donné les uns comme apôtres. Écoutez très attentivement. Les apôtres ne viennent pas pour être prophètes, pour être pas apôtres. Ils sont d'abord programmés. Maintenant, c'est pour ça que je vous ai donné ces versets ici avec un Timothée et deux Timothée. Un Timothée dit que quelques-uns ils se donneront les foules des. Vous avez vu la différence maintenant? Dieu a déjà choisi ces gens. Un moment donné, les êtres humains vont donner pour eux. Ah mon Dieu. Alors c'est pour cela qu'ils peuvent sortir avec l'école pastorale. Tu leur dis, ils ne voient pas de mal à cela. Tout serviteur authentique de Dieu sortira hors de cela, de ces choses-là. C'est pour ça que tu peux, il ne peut pas comprendre le langage de Dieu. Quand tu vas parler selon la Bible, à un moment donné, il va dire que non, tu ne penses pas que ceci n'est pas important. Donc c'est lui qui juge ce qui est important. Or, la Bible déclare que les serviteurs de Dieu, comme par exemple le livre de 1 Samuel, 1 Samuel dit que Samuel ne laissait aucune des paroles de Dieu tomber par terre. Ça veut dire que vous comprenez ce qu'il dit. Si Dieu dit, le serviteur parle. S'il ne parle pas, le serviteur ne parle pas. Donc le serviteur de Dieu doit dire ce que la parole de Dieu dit. Toutes les fois que Israël s'est détourné, quand les gens sont rentrés, il dit ainsi parle le Seigneur. Vous avez quitté mon alliance. L'alliance qui est traitée avec vos pères, avec Moïse, à Horeb. Donc il est encore revenu à Horeb. Donc c'est-à-dire que la fondation qu'on a placée à Horeb là, revenez-y. C'est à cause de cela que ça vient. Un serviteur de Dieu, c'est comme ça. Autant d'Élie, il dit que c'est à cause de l'abandon de Dieu de votre père. Moïse, Joseph, n'importe qui, tout vient, c'est comme ça. Vous suivez? Mais d'où vient-il qu'un nouvel style de prédicateur vient aujourd'hui? Tu vis dans le péché, on prophétise le bonheur sur toi. Il veut qu'on m'explique cela. Tu vis dans le péché, on prophétise le bonheur sur toi. Le plus grave, c'est qu'on prophétise ces choses, ça marche sur toi. C'est donc pour cela que nous voulons voir maintenant la terminologie du miracle et l'impact du miracle, le but du miracle, que Dieu opère les miracles. Satan peut-il opérer des miracles? Ça, c'est une question qu'on doit répondre ce soir. Est-ce que les miracles de Dieu sont imitables par Satan? Nous devons répondre cette question ce soir. À quoi servent les miracles que Dieu fait manifester au milieu des hommes? Nous devons répondre à cette question ce soir. Pas par notre intelligence, mais la Bible doit nous donner la direction. Quel est le but des miracles? L'autre question la plus grande de ces soirées, c'est les miracles ont-ils cessé? Ou bien y a-t-il une indication que les miracles vont cesser sous le soleil? Ça, c'est une autre question qu'on va devoir répondre. Donc, s'il plaise à Dieu, on ne finit pas aujourd'hui. On va continuer la deuxième partie la prochaine fois. D'accord? Alors, en toile de fond, dont nous voyons que Éphésiens chapitre 4 nous dit que Jésus a déjà choisi ces personnes qu'il a envoyées. Puisque c'est lui qui avait dit qu'elle était sur la terre que je bâtirais mon église. Donc, forcément, il connaît jusqu'où va aller l'église. Quand la personne s'est à la maison, tu peux être passant, tu vois la maison comment. Tu ne sais pas où ça va aboutir parce que tu n'es pas au courant de la maison. Mais quand celui qui a commandé la maison veut la maison, il sait où il est parce qu'il voit ça dans sa vision. Il voit ça dans sa vision, là où ça va finir. Quand la maison finit, il dit, maintenant je suis d'accord, il peut réceptionner cette maison-ci. De la même façon, de l'extérieur, personne ne peut savoir c'est quelle église du Seigneur. Mais lui, il connaît parce qu'il connaît la chose de la fin avant le commencement. Donc, il connaît alors l'église en train d'aller. Et par conséquent, s'il connaît comme ça, il sait exactement qui sera où et qui va faire quoi. Par sa préscience, il peut donc prédestiner quelqu'un à faire un travail. Alors, l'apôtre Paul dira dans Galates chapitre 1, le verset 15, il dit, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein maternel. On le met dès le sein maternel. Quand il naît, on sort, Dieu dit que c'est toi que j'ai choisi. Est-ce que vous saisissez? Que c'est toi qui es choisi, qui va bâtir l'église. Mais il grandit dans le judaïsme, il fait des études à Rome, il fait des telles choses, telles choses. L'église n'est pas encore née, jusqu'à ce que quand Jésus vient maintenant, il dit que l'église va commencer. Il dit, maintenant, viens faire ce travail-là. Or, quand il est né, il n'y a pas ce travail-là. Je ne sais pas si vous saisissez. Quand il était né, il n'y a pas ce travail-là. Mais il grandit, le plan de Dieu est là. Donc, il est né au moment où le plan de Dieu pour lui devait s'accomplir. À Jérémie, il dit qu'avant que tu ne sois conçu avant ta mère, je t'avais établi prophète. Vous entendez ça? Je t'avais établi. Donc, il naît comme ça là. Il peut aller à l'étude, il sait, fais ceci. Le moment vient, dire que Jérémie lève ta parole, il dit que je ne peux pas parler. Je suis un jeune. Ne dis pas que tu es jeune. Qui a fait la bouche? Et c'est toi. Il sera avec ta bouche. Vous comprenez? Maintenant, quelqu'un dit, oh Seigneur, Jérémie est jeune, il ne sait même pas parler bien le message là. Envoie-moi. Il t'a appelé. La Bible déclare donc qu'ils se donneront de foule de docteurs. Je veux que vous voyez l'implication biblique. Ici, nous voyons effectivement encore que les choses qui vont sortir en grand nombre, enfin, de la fausseté, seront en grand nombre. On dit qu'une foule de docteurs. Or, ici, on dit qu'il a fait les uns comme apôtres, les autres comme. Vous entendez dans ces sons-là, des petits, un petit groupe. Vous entendez ça? Il a d'abord dit la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Ils sont peu. Mais aujourd'hui, vous voyez, chaque année, dans une école de théologie ici, dans la ville, s'il y en a 5 ici, là, chaque année, au moins 300 sont dans une école. Donc, par année, comme on sort dans la graduation, dans les universités, les trucs d'avocats, l'ENEM et autres là-bas, ils sortent aussi chez les chrétiens comme ça. Tu dis, comment tu es, frère? Je suis frère. Tu es, comment je suis pasteur? J'ai l'appel pastoral. Oui, tu prêches? Oui, non, je ne prêche pas encore. Je suis à l'école. Je suis en deuxième année à l'école. Deuxième année à l'école. Je ne sais pas si, quand ils parlent, ils entendent ce qu'ils disent. Ils sont en deuxième année. Dieu l'a appelé, il est à l'école. Mais j'ai l'appel pastoral. J'ai l'appel. Donc, Dieu dit, viens. Il a de venir, mais il passe d'abord par l'école. Il faut qu'on le forme. Et c'est Dieu qui l'appelle. Quelque chose ne va pas, il faut la délivrance au pasteur. Il faut la délivrance au pasteur. Oh, maintenant, tu vas parler le langage biblique. Il va dire que tu ne penses pas que telle personne aussi. Tu penses aussi que telle personne. Tu penses aussi que telle personne. Mais voici la Bible qui indique la direction. La Bible dit qu'on ne doit rien y ajouter. On ne doit rien y retrancher. Ok, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il faut donc que le faux vienne faire exactement pour essayer de reproduire ce qui est dans le modèle. C'est ça le vrai problème. C'est pour ça que nous sommes là ce soir. Ça veut dire quoi? Satan, pour faire n'importe quoi qui va vouloir égarer les gens, il faut que ça soit proche de ce que Dieu lui fait. Amen. Alors maintenant, si vous avez un billet de 10 000 francs CFA là-bas, pour que quelqu'un puisse faire un faux billet, il va falloir qu'il ait un vrai billet devant lui. C'est le principe là-bas. Parce que si ça soit comme ça là, il veut qu'on soit le 10 000, il veut qu'on soit un billet de 10 000 sans voir le vrai, il va faire, ça sera grossier. Parce qu'il faut qu'il y ait les représentations qui se trouvent, les attributs qui se trouvent dans le vrai, pour essayer de séduire les gens. Vous suivez? Yes. Vous pouvez mettre maintenant que je parle maintenant dans les profondeurs, n'est-ce pas? On va lire deux passages et on va parler. Matthieu chapitre 4. Matthieu. Le chapitre 4. Donc c'est ces deux groupes-là. Il y a le groupe donc que Dieu a donné. Et le Dieu et le groupe donc qui se donneront. Ils se donneront les foules des docteurs. Ils vont sortir en grande quantité. En grande quantité. En grande quantité. Ils se donneront des foules de docteurs. Et la Bible déclare clairement là-bas que ces foules de docteurs-là, regardez bien. Ah mon Dieu, vous me faites là. Regardez, si vous lisez la suite de ces livres de Timothée, il dit qu'ils se donneront la foule de docteurs et qu'ils vont enseigner selon leurs propres quoi? Désirs. Donc, ils viennent pour pouvoir aux besoins que les gens ont. Je ne sais pas si vous saisissez. Lorsqu'on fait le commerce, les gens sortent pour aller faire ce qu'on fait marketing, vente. Action commerciale, ils sortent sur le terrain, ils ont des prospectus. Ils viennent dans la maison, vous avez besoin des pâtes d'identifice, vous voyez quelqu'un entre dans votre maison, il a le sac, il y a des pâtes d'identifice à l'intérieur. Vous dites que j'ai des pâtes d'identifice, il dit qu'il y a l'huile pour ce ouin. Quand il regarde un bouton, il dit que même le bouton là, j'ai quelque chose qui peut arrêter cela. Qu'est-ce qu'il y a? Il sait effectivement quels sont tes besoins. Donc, tu cesses un, tu ne vas pas échapper à l'autre. Ce principe-là, ce marketing commercial que Satan a mis avec l'église. L'église, c'est comment? Vous allez voir quelque part maintenant. Vous voyez directement, on met une plaque là-bas. Culte prophétique de 18h à 21h. Prophétie, moment de prophétie et de délivrance. Donc, on programme chaque jour où il y a le programme de prophétie. On dit là-bas, quand tu viens là-bas, tous, pour toute situation de blocage, pour tout ceci, blocage, ainsi de suite, et autres là-bas, votre mari a duré, ainsi de suite, vous avez duré sans accoucher, ainsi de suite, vous venez là-bas. Donc, c'est là-bas, on distribue. Et donc, maintenant, quand vous venez maintenant, on va dire que vous avez, il y a les gens, puisque vous savez que vous avez lu l'information qui est là-bas pour venir. Tout blocage dans ta vie, je le chasse au nom de Jésus. Tu dis amen, tu vois la sueur coule sur la soeur. Ton mariage doit bloquer, amen. C'est là où on bloque maintenant, amen. Mais prenez 5 minutes pour enseigner. Comprenez le temps qu'on a dans pour enseigner. On va dire que ah, tu dis trop. Mais si on dit le temps là pour dire les faussetés comme ça, ils vont le faire. D'où là, ils font souvent les nuits de prière, les séminaires pour raconter ces choses-là. Alors la Bible déclare qu'ils vont se donner le fou de docteur, qu'ils vont enseigner selon leurs propres désirs. Donc, d'une part, il y a des désirs pernicieux, des envies pernicieuses dans les êtres humains. Et par conséquent, ces désirs-là, donc, Satan envoie les gens pour enseigner ce qu'ils vont les aimer, ce qu'ils vont aimer. Vous avez suivi, n'est-ce pas? En parallèle, maintenant, se trouvent donc les serviteurs du Seigneur. Jésus, la Bible déclare dans ces Éphésiens-là qu'il a donné les uns comme apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs, il dit pour l'édification. Vous avez vu ça? Le but, ils sont là pour faire quelque chose. Ils sont là pour l'édification, ça veut dire conditionner, construire, pour l'édification du corps. Donc, c'est ceux qui bâtissent le corps. Ceux de l'autre côté là-bas sont censés détruire le corps parce qu'ils vont enseigner selon les désirs pour envoyer les gens dans tous les autres de dérision. Donc, en toile de fond se trouvent donc deux œuvres qui se passent sur la terre. L'œuvre de la construction de l'église et l'œuvre de la tentative de la perversion. Et ça ne fait pas, c'est coordonné par deux maîtres. L'un par le Seigneur Jésus, l'autre par le pouvoir antichrist. Maintenant, le problème c'est que sur le plan humain, les deux prennent l'aspect religieux. Et tous usent le nom chrétien. C'est ça le vrai problème. C'est ça le vrai problème. Parce qu'on dit ici, ils se donnent un foule de docteurs. Donc ce sont les religieux. Ils vont venir enseigner pour amener les gens dans l'égarement, les foules de docteurs, enseignant les doctrines démoniaques. C'est ce qu'on a suivi là. Cette doctrine-là, donc, on dit qu'ils sont des foules de docteurs, ils vont s'écarter de la foi. Il dit, ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront. On souhaite qu'on nous dise quelque chose. Pasteur, dis-nous, tue-nous. Et la vérité, tu es vraiment au sens propre. Tue-nous et tue. Maintenant, pour les amener hors de la vérité. Maintenant, entre-temps ici, on dit, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de chrétiens, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus, jusqu'à cette sanction sont données, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus, tous. La Bible déclare que jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus. Donc ceux qui sont censés appartenir à l'Église le feront tous. Vous avez cela? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à la statue de l'homme fait. C'est merveilleux l'œuvre du Seigneur. Alors, vous pouvez suivre ces deux lignées-là. Depuis la Genèse, vous les suivez au travers de la Bible. Au travers de la Bible, vous arrivez. Ça commence à devenir maintenant, ça s'éclate maintenant dans les évangiles. Vous voyez effectivement qu'il y a deux portions maintenant. Le blé et l'ivraie. Après, il commence à avancer. Vous voyez, dans Apocalypse chapitre 17, une femme se présente là-bas, la grande prostituée. De l'autre côté maintenant, la femme de Christ se présente dans chapitre 19. Elle est entrée dans la noce. C'est le commencement. Ce qui est au commencement, ça va se retrouver là-bas. Au travers de l'église, vous pouvez le voir. Au travers de l'église, avancer. Tous comme ça, chacun se forme pour aller en son lieu. Donc, il y a deux groupes. Les deux groupes de pasteurs que Dieu s'est choisi et les groupes de pasteurs que Satan s'est choisi. Ils sont là pour accomplir la volonté de Satan, pour pervertir le groupe. La Bible déclare qu'ils sont plus nombreux que les autres. C'est pour ça que la première fois que nous avons commencé, il a dit qu'il y avait deux voies, la voie étroite et resserrée, la voie large et spacieuse. Il a dit plusieurs y vont. Pour que plusieurs y vont, il faut qu'il y ait des indicateurs pour amener les gens là-bas. C'est le flux des docteurs. C'est ça, n'est-ce pas? Voilà. Donc faisons attention. Le vrai problème, c'est que les deux sont tellement proches dans les façons de faire, au point où, la dernière fois que nous avons vu, le Saint-Esprit nous a donné donc les règles pour pouvoir faire, comment discerner donc l'esprit antichrist. Il a dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Dans le livre de Marc, il dit quoi? Dans Marc au chapitre 6, qu'est-ce que je dis que prenez garde de ce que vous entendez. C'est ça. Donc il faut qu'on prenne garde. Il faut qu'on prenne garde. D'où la nécessité de comprendre tous ces avertissements pour pouvoir éviter l'apostasie. Maintenant, nous allons aller à un certain niveau de l'apostasie. La séduction par les miracles. Donc, c'est ce que nous allons voir ce soir-ci. La séduction par les miracles. L'apostasie séduit principalement par les miracles. Les miracles peuvent se baser maintenant sur les prophéties. Ça peut être les prophéties. Comment on dit? Vous entendez quelqu'un m'a dit, le prophète Sila m'a dit que telle chose est arrivée. Ce n'est pas étonnant. Notez Deutéronome chapitre 13. Que Dieu vous bénisse. Deutéronome chapitre 13. Vous avez noté? Je vais vous donner tout à l'heure, on va y arriver. Deutéronome chapitre 13. Maintenant, donc la séduction, l'apostasie, la séduction par les miracles. S'il y a un peuple qui va vraiment aller en dérision par rapport aux miracles, c'est le peuple de maintenant. Pourquoi? Parce qu'on a abandonné toute notre faculté de raisonner. Justement, ce qu'il faut raisonner, on ne raisonne pas. Et ce qu'il ne faut pas raisonner, on raisonne. Lorsque vous allez parler de Christ, de sa venue, au-delà, les gens vont commencer le raisonnement. Tu penses qu'il est depuis qu'il est parti, il va venir. Tu penses que ceci. Mais maintenant, quand quelqu'un va dire, va vendre tout ce ta mamie, comme la soeur, c'est qu'on avait dit qu'elle va prendre sa mamie, elle a pris sa mamie, prendre le livre, aller vendre, aller donner l'argent là-bas. On ne pose pas de questions. Comment ce type-ci peut me dire qu'il ne peut pas vendre? D'autres disent que fais comme ça, ne dis même pas à ton mari. Vous voyez effectivement quelque chose dans l'esprit de division pour créer les tensions dans le foyer, est positionné. Vous voyez, quelqu'un commence à enseigner que tu dois désobéir à ton mari, même s'il fait n'importe quoi, tu désobéis. La Bible, elle dit que femme soyez soumise à vos maris, même ceux qui ne respectent pas la parole de Dieu, afin qu'ils soient gagnés par votre moyen de vivre, sera chaste. Vous voyez? Parce qu'on leur a appris que c'est quand vous venez à l'église, là maintenant l'église devient maintenant un lieu. Quand vous venez à l'église, si votre mari vous empêche, c'est qu'il ne veut pas de votre bien. Vous comprenez, n'est-ce pas? Or, on confond donc l'église, qui est une entité vitale, l'organisme vital, en un lieu. Quand on dit en un lieu, ça devient une association. Quand on dit que c'est, quand on comprend la pensée de Dieu dans l'église, on comprend que c'est un style de vie. Si c'est un style de vie, alors si je suis à la maison avec mon mari, je vis la vie chrétienne. Vous saisissez, n'est-ce pas? Par conséquent, on croit que quand les gens vont dans un lieu de prière, c'est là où ils doivent s'en servir Dieu. Servir Dieu, c'est être à la place qu'il faut, comme Dieu l'a voulu. Voilà. Donc, j'étais en train de dire quel livre déjà? J'ai dit Deutéronome là. Matthieu chapitre 4. Donc, Deutéronome va y revenir. Je vous ai donné plusieurs versets là. La séduction par les miracles. Disons cela, on sera surpris, je crois bien. Puis on va aller dans Esaïe. Que Dieu vous bénisse vraiment. Que Dieu vous bénisse. Je vais dire à partir du verset 1 maintenant. Suivez attentivement, s'il vous plaît, suivez dans votre Bible. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Vous avez suivi ce qui est écrit là? Qui a amené Jésus dans le désert? L'Esprit l'a amené dans le désert. Le voici. Tente-le. Comme tu es trop fort. L'esprit. L'esprit là-bas, c'est grand. C'est l'esprit saint. Maintenant, suivez. Verset 2. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, Il eut faim. Vous avez vu? Il eut faim. Le tentateur, voilà l'un des noms de Satan, quand j'entends le tentateur s'étant approché, lui dit, écoutez très attentivement, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Première question, ses disciples savaient-ils que ces choses-là se déroulaient dans le désert? Non. Je vais vous dire que, je veux que vous compreniez quelque chose. Ça veut dire que lorsque Dieu, le Seigneur Jésus était dans la solitude, Satan était proche de lui. Il dit que ce sont les gens qui se connaissent. Satan et Dieu, ils se connaissent. Ils font seulement les histoires. Il y a seulement répercussions sur nous. Il y a des choses qui se décident en haut là-bas. On n'est pas au courant. On voit seulement répercussions ici sur la terre. Si on n'avait pas écrit ça dans la Bible telle qu'on a là, on ne peut pas savoir que quelque chose s'est passé. Suivez attentivement. Donc, il est seul à seul avec Satan là-bas, dans le désert. C'est pour dire quoi? Si cette personnalité est venue jusqu'au Fils du Dieu vivant, pour parler et le challenger face à face, mesurons avec qui nous avons à lutter. C'est d'abord la première chose. C'est pour ça que nous sommes allés dans ce livre. Il faut qu'on mesure le calibre de la personne qui est en train qui est au-dessus de nous. Parce que la Bible déclare que si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour ceux dont le Dieu de ce siècle a voilé le visage. Vous entendez ça? Donc, mesurer avec qui on est. On dit que si l'évangile est voilé, c'est-à-dire que si tu prêches l'évangile à quelqu'un, il discute ou bien il fait les philosophies, Satan l'a voilé. Il n'y a pas d'être humain qui soit passé sur la terre ici que Satan n'a pas giflé. Il n'y en a pas. Dernier en date, donc, le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il est venu devant lui, il ne lui a pas dit bonjour. Il dit que si tu es fils de Dieu, tu dis quoi là? Si tu es fils de Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Il sait donc que le Fils de Dieu a le pouvoir de la création. Il sait que c'est le Fils de Dieu qui parle, les choses changent. Il sait. Satan connaît ces choses-là. Parce qu'ici, il a détesté sa puissance de création. Donc, ce que tu dis, tu as dit que la lumière soit, la lumière fut. Dis, alors ça, si tu es fils de Dieu, pourquoi on voit vraiment que ce soit dans l'identité ici? Manifeste ça ici, on voit. Oh, Dieu ne marche pas selon le convoitise. Et Satan, il n'est pas là pour marcher selon le convoitise de Satan. Il veut que vous voyez quelque chose. La personnalité de l'individu qui gouverne le monde dans lequel nous nous trouvons. Faisons attention. Parce qu'on dit que Satan, on fait dans le match à match, que Satan, c'est qui, il ne peut rien faire. Regardez très attentivement. Avançons là. Jésus répondit, il est écrit. Le Seigneur nous a montré que quand le tentateur va venir, pour faire n'importe quoi, la solution se trouve dans les Écritures. Pour que la tentation vienne, il y avait quelque chose d'abord au préalable qui avait été écrit. Tout ce qui a été écrit pour nous conduire est par conséquent pour nous mettre en garde contre Satan et pour nous prémunir de lui et pour nous montrer comment lutter contre lui. C'est pour ça que les Écritures sont données. Tout ce qui est écrit, c'est pour nous prémunir contre Satan, pour nous mettre en garde contre lui et les manières de nous combattre afin de pouvoir arriver à bon port dans le royaume que Dieu nous a donné. Donc quand le Seigneur Jésus se tient devant Satan, ou bien Satan se tient devant le Seigneur Jésus, il dit quelque chose. Bam! Jésus dit qu'il est écrit. Donc avant que Satan ne vienne, il y a déjà la riposte contre lui qui ont été préparée. C'est-à-dire, les solutions viennent avant les problèmes. Voilà. Maintenant, regardez ici. Il dit, Jésus répondit, verset 4, il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On pouvait lire cette parole-là, s'il n'y a pas la tentation. On pouvait lire cette parole-là n'importe comment, parce comme toutes les autres paroles. Jusqu'à ce que la tentation, la puissance qui veut challenger ces paroles-là vienne correspondante. Il sort cette parole-là. C'est ici, n'est-ce pas? Maintenant, continuons. Verset 5. Le diable demanda à Jésus de venir le suivre dans la ville sainte. Le diable demanda à Jésus de le suivre dans la ville sainte. Il le plaça sur le haut du temple. C'est ça, n'est-ce pas? Vous avez vu? Et le? Suivez attentivement. Qui transporta? Transporta qui? Un prédicateur met la main dans la poche que Satan ne peut rien me faire. Il ne peut pas venir chez moi. Il y a le feu autour de moi. Il y a le feu autour de ta maison. Il porte Jésus, lui, le Dieu de gloire. Hein, frère? Faisons attention à l'individu que nous sommes en train de vouloir faire. Je vais le présenter d'abord. Avant d'entrer dans la séduction par le miroir, pour qu'on sache exactement avec qui nous avons affaire. Il connaît chaque individu qui sont passés sur la terre ici. Donc c'est un vieux. C'est donc pour cela que les gens vont à quelque part, que je suis allé quelque part, le marabout a dit que mon grand-père, il a parlé de mon grand-père, c'est normal. Il s'attend les démons depuis qu'il suivait ton grand-père. Depuis venir te dire que le grand-père qui est comme ça, parce que tu viens de mal à ton père, que mon grand-père était comment, il décrit, le marabout a dit vrai. Une entité lui a raconté, si vous voulez savoir exactement comment est mort Jésus, interrogez un démon, il va vous dire comment il était à la croix. Donc ce sont les gens qui se baladent ici en disant que non, il est mort sur le poteau, il est mort ici. Vous blagarez comme ça, mais c'est eux qui créent juste là pour, dans le désordre pour régner. Un démon, vous allez taper un démon, vous le mettez devant vous. Comment Jésus, il va vous dire la vraie vérité. Ils étaient sur la terre quand il était là, il dit que fils de Dieu, tu es le fils, je connais qui tu es. Ils ont dit ça, non? Je connais qui tu es. Tu es le fils du Dieu très haut, tu es venu. Et il connaît même sa mission. Il dit que tu es venu pour nous perdre. Ils te reconnaissent. Faisons attention. Et Jésus n'a pas dit qu'il ne connaît pas. Il lui a dit, avec des disciples, il avait dit que je voyais Satan tomber du ciel comme un astre brillant. Donc ce sont des gens qui se connaissent entre eux là-bas. Nous sommes seulement les victimes, malgré nous. Et c'est sur la terre. Quand on péchait, vous disiez là, tu es né chez ton père. On a seulement dit que tu es né chez les Bassans, on dit que les Bassans étaient les anciens maquisards. Tu as fait comment pour se retrouver là-dedans? Si on dit maintenant les Bassans, les anciens maquisards, n'est-ce pas, tu es dedans? Tu vas faire comment pour fuir? Alors maintenant, ça, on dit que c'est quoi? Il faut seulement que chacun soit à la position que Dieu l'a appelé. Donc ici, on dit que c'est Satan, le diable qui a transporté Jésus dans le haut du temple, dans la ville sainte. Il le plaça. Il dit, mon gars, ok, monte sur l'escalier là-bas. Saute! Et regardez ce qu'il dit. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question sur internet, il m'a posé la question. La tentation était en esprit ou en chair? Les esprits ne cognent pas les pieds. Écoutez, regardez ici, regardez. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, il te portera sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Donc c'était physique. Donc c'était physique. Tombe là-bas parce que c'est au physique qu'il y a l'os. Tu casses ton os là, tu vois. Et Satan savait que Satan, la personne qu'on a dit, ce verset-là n'a jamais dit qu'on parlait comme ça de Jésus parce que Satan vient de donner l'explication. Il dit que c'est écrit à ton sujet. Regardez bien ce qu'il dit. Il dit, verset 6, et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Satan savait que ce verset écrit, ça parlait de Jésus. Vous voyez ce que Satan fait? Jésus n'a pas dit que tu mens. Qui a dit ça à mon sujet? Parce qu'il sait que l'écriture se réfère à Jésus. Je recommence encore. Si vous voulez la Bible, Satan connaît ce qui le concerne là-bas. La Bible déclare ici qu'il est descendu, sachant qu'il n'a qu'un peu, de temps. C'est pas ce qu'il écrit. Voilà. Donc quand il va descendre là-bas, il va descendre avec une grande colère. C'est écrit de lui. Lui-même, il connaît. Le vrai problème, c'est qu'il n'y a plus de chemin de retour pour lui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'il rentre avec le grand nombre au maximum. On vous condamne, par exemple, vous êtes en prison. Vous avez 3 ans à des prisons qu'on vous a condamné. Vous allez, c'est pour cela qu'on fait des tranches de prison où on dit que c'est la section des condamnés à mort. Parce que c'est la section des condamnés à perpétuité, ainsi de suite. Pourquoi on ne mélange pas? On peut prendre un mineur, on peut mélanger chez les condamnés à mort. Quelqu'un est condamné à mort. Tu viens là-bas, tu le tentes. S'il crève ton œil, on va encore le condamner. Est-ce qu'il y a une autre condamnation plus que les condamnations à mort? Non. Donc, ça dit celui-là, il faut l'éviter. Si on dit condamné à mort, c'est pas que si c'est pas pendaison, au Cameroun, pas pendaison, pas fusillade, c'est ce qui est écrit dans le code pénal. Alors, si c'est pas fusillade, il sait qu'un de ces jours, on va dire que condamné à mort, allez à là-bas, on va le mettre là-bas, on fait pas. Donc, si tu es tué, vous dites condamné à mort, la mort, c'est la mort. Il est déjà mort. Satan, lui, il a déjà été décrété comme étant pour l'enfer. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est toi et moi maintenant qui pouvons lutter maintenant, soit aller en enfer, soit ne pas aller en enfer. Pour eux, ils n'ont plus de choix. La destination est déjà réglée. Et par conséquent, c'est à nous d'éviter donc d'y aller. Vous savez, n'est-ce pas? Lui n'a pas de choix. C'est pour cela que vous pouvez donner, comme les gens font demander de l'argent, demander de la gloire, il peut leur donner. Que le but, on va les retrouver tout à l'heure là. Le but, c'est que vous venez avec moi. Faisons attention. Ne collaborons pas avec les œuvres des ténèbres. Ne collaborons pas avec les œuvres des. Première chose, les deux chefs religieux, Jésus qui bâtit l'église. Satan qui est le prince de la puissance de l'air, qui est le dieu de ce siècle, qui a l'église, la grande apostate, la Babylone la grande, se trouve côte à côte en train de parler des écritures, oui ou non? Oui. Voilà. Vous avez vu quelque part, Satan a cité le verset biblique de sa propre Bible? Non. Il a cité la Bible de qui? Oui. Je vous ai dit tout à l'heure là que pour qu'il vienne prêcher, il va prendre ce qui est de la Bible. Donc il faut qu'il imite ce que Dieu a fait sur le modèle là-bas. Ils n'avaient pas deux sujets, ils n'avaient pas deux Bibles. Quand ils sont venus là-bas, ils n'ont pas parlé de la guerre mondiale. Ils n'ont pas parlé de la crise économique. Ils parlaient des sujets religieux, les deux. Nous sommes d'accord? Donc l'enjeu ne se trouve pas dans la politique. L'enjeu se trouve dans le camp religieux. Le danger se trouve de la séduction. La séduction, le monde est déjà séduit. Le danger de la séduction se trouve en plein milieu chrétien. C'est-à-dire le fait que tu crois que tu es en train de servir Dieu, que tu es sur la mauvaise voie, c'est ça le plus grave. La terrible dérision de la fin du siècle. C'est-à-dire que tu te tiens là-bas. Seigneur, n'avons-nous pas fait le miracle? Ah mon Dieu, mais nous voilà, notez Matthieu chapitre 17. Voilà. N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Je ne vous ai jamais connu. Donc ceux-là ont servi jusqu'à quitter, jusqu'à venir d'autre, ils sont sûrs qu'ils vont entrer. C'est là où on leur donne la sentence. Et Jésus a dit que c'est comme ça que ça va se passer. Donc il y a des gens qui vont venir là-bas. C'est la voie là qui va sortir. Je ne vous ai jamais encore connu. Notez cela, Matthieu chapitre 7, verset 20 à 23. Alors Jésus dit, vous qui commettez l'iniquité, éloignez-vous de moi. C'est ça? Donc, écoutez très attentivement, je recommence encore. Satan, le diable et le Seigneur Jésus qui dans le désert lors de la tentation discutaient des écritures, donc de la matière religieuse. Ils discutaient de la matière religieuse. Il est écrit, ils discutaient les versets bibliques. Donc les vrais et les faux taxent leur enseignement, taguent leur enseignement et maintiennent l'enseignement par rapport à la Bible. Mais l'un parmi les deux est faux. L'autre chose, c'est que Satan a cité les versets bibliques vraiment droitement. Jésus a cité droitement, mais Jésus est la vérité, Satan est le mensonge. Donc il peut arriver que le mensonge, puisque le père des menteurs, le père du mensonge, est ici en train de citer la parole droitement. Mais étant le père du mensonge, ça ne le changera jamais. Et la Bible va plus loin dans ce livre de Dieu, Corinthiens chapitre 11, qui n'est pas étonnant que ces ministres se présentent à ministre de l'évangile. C'est ça. Donc, Satan lui-même, nous voyons ici comment il s'est présenté. Il cite l'écriture adroitement. Le fait qu'il vienne devant le Fils de Dieu pour dire qu'il est écrit à son sujet montre qu'il a voulu challenger le Fils de Dieu. C'est cette position-là qui n'est pas bonne. C'est n'est-ce pas? C'est ça, frère. Amen. Voilà. Donc, c'est genre de planter seulement le décor. On va arriver doucement. Alors, cette tactique-ci que les deux chefs ont mise sur place de l'ordre de la tentation, vous voyez que je ne parle pas de la tentation, mais de sortir des enseignements dans la tentation. Cette tactique-ci, cette fondation que les deux chefs religieux, principaux chefs religieux, ont mis sur pied, ça va se répercuter sur leur postérité. Ça veut dire que ceux qui sont de Jésus vont dire seulement « Il est écrit ». Ceux qui sont de Satan vont chaque fois utiliser le seul « Il est écrit » pour dire que « Ok, fais aussi comme ça ». C'est la même tactique. Ça n'a pas changé depuis l'ancien temps. Pour dire lui. Vous savez, c'est ça? Ok. Il peut avancer. Donc, Satan, le tentateur, lui a dit que, ok, il est écrit aussi à ton sujet, que saute là-bas, il est écrit, n'est-ce pas? Il a dit qu'il va envoyer ses anges, que Dieu va te porter sur le même, parce que si tu sautes sur un ange, on te précipite sur une montagne, en voyant qu'un ange a tendu la main, on va te porter. S'il était sur la forme angélique, sur la forme spirituelle, il n'a pas besoin qu'on le porte. Parce que l'esprit ne peut pas se porter contre lui, puisque l'esprit travaille un mur. Il ne se heurte pas contre le mur. Donc, ça veut dire que la tentation était physique. C'est ça, frère. Mmh. Continuons ici. Verset 17. Jésus lui dit, il est aussi écrit. Donc, nous sommes d'accord que les deux discutaient des Écritures. Le débat était au niveau de la Bible. N'est-ce pas, mes chers? Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton. Satan tentait qu'il l'ont là par conséquent. Dieu. Vous avez entendu cela? Ok. Le décor étant planté, allons voir cette confrontation. Non, là, maintenant, rentrons, allons au ciel. Isaïe chapitre 14. Souvenez-vous, je suis en train de parler de la séduction par le miracle. Je suis en train d'aller doucement pour vous montrer que ces choses-là sont prévues. Le père de ces choses-là, il est puissant. Il dit, le père des séducteurs, celui qui fait les miracles, est puissant. Puissant. Puissant. Regardez-vous, nous dit, mais Dieu est tout puissant. Amen, j'aime ça. J'aime ça quand vous dites comme ça. J'aime que Dieu est tout puissant. Mais c'est quand même curieux que les êtres humains sur la terre savent que Dieu est tout puissant, Satan est puissant, mais quelqu'un va faire allégeance à Satan. Ça me dépasse. C'est-à-dire que quelqu'un va... Vous voyez, les pasteurs vont quelque part. Il y en a plein dans la ville. Plein dans la ville. Ce n'est pas seulement ici. Qui viennent, ils sont allés. Beaucoup sont partis quelque part. On leur a donné le serpent. Ils avalent le serpent pour venir prophétiser. D'autres sont allés mettre quelque chose dans les yeux. Vous remarquez, dernier en date, il y a un pasteur. Heureusement que ceux-ci étaient des faux. Ils ont cherché comment ils devaient... Vous savez, quand on dit frapper, fait le pasteur. Le pasteur faisait comme s'il était trop dur. Les deux, trois garçons sont allés. Il y avait un Ivoirien, un Nigérien qui sont venus avec un Camerounais. Il dit qu'on va estoquer ce type-ci là. Ils sont allés lui dire qu'on a un remède qu'on a amené du Nigeria. Si tu mets ça dans tes yeux, tu vas avoir la vision. Ton église sera pleine. Le pasteur a dit que c'est comme on dit 250 000. Il a sauté 250 000 à donner. On a mis dans ses yeux pour qu'il voie. Frère, même si ceci n'était pas vrai, il est déjà possédé à cause de cet acte-là. Vous savez, c'est ça? La Bible nous enseigne à chapitre 8, je vous ai donné cela, que Simon, lorsqu'il a vu que le Saint-Esprit était donné par l'imposition de main, il a commencé à vouloir prospérer de l'argent. On dit qu'il est dans un filet amer, qu'il précise qu'il était possible qu'il soit en délivré. Vous voyez ce que un pasteur peut faire? Ça suppose que si c'était des sorciers, on aurait mis le conseil l'esprit de sorcellerie. Il va commencer à voir, il peut s'asseoir, et il regarde comme ça, il dit que toi tu as tes choses, toi tu as tes choses. Qu'est-ce qui se passe? Ce sont les esprits qui sont sur toi et sur lui qui sont en train de communiquer. Et on va voir cela dans la Bible. Faisons attention. Faisons attention. L'objet, c'est notre âme. L'objet, c'est notre âme. Ok. Ok. Chapitre 14 d'Ésaïe. On y va. Voilà. Verset 3 et suivant. Et quand l'Éternel t'aura donné du repos, après tes fatigues et tes agitations, et après la dure servitude qui te fit imposer, écoutez très attentivement, alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone. Vous avez vu cela? Le roi de Babylone. Je vous ai dit tout à l'heure, quand on sort dans Apocalypse chapitre 17, sa femme se trouve là-bas. C'est la reine là-bas. Quand il y a la reine, il y a le roi. D'accord? Donc il faut que le roi ait sa femme. Comme Christ a sa femme, il faut que le roi aussi ait sa femme. On dit donc qu'on prononce le contraire, quoi, cette complainte, ce chant-là sur le roi de Babylone. Suivez le chant. Quand on parle de chant, ce n'est pas une chanson qu'on chante comme on chante ici-là. Ce sont des prophéties, des oracles qu'on a de proclamer sur la personne. Regardez. Et quoi, le tyran, entouré tyran. Et quoi, le tyran n'est plus. Ésaïe en a décrit 800 ans avant que Jésus ne vienne pour pouvoir être tenté comme on a vu dans Matthieu chapitre 4. Il est quoi, le tyran n'est plus. L'oppression a cessé. Donc quand Satan n'est pas là, son oppression cesse. N'est-ce pas? Enfin, je crois que vous ne les influencez pas, mais vous l'admettez ou non, c'est de lui qu'on a parlé ici. Et quoi? Le tyran n'est plus, l'oppression a cessé. L'Éternel a brisé le bâton des méchants. Remarquez-moi, on a écrit, l'Éternel a brisé, pas qu'il va briser. Le prophète Ésaïe a de regarder dans la vision, il a de voir l'accomplissement de ce qui va arriver sur Satan. Ça, c'est longtemps avant que Jésus lui-même ne vienne sur la terre. Regardez, la verge des dominateurs, vous y êtes? Celui qui, dans sa fureur, frappait les peuples. On parle de Satan comme ça. Celui qui, dans sa fureur, frappait les peuples. Voilà, le vrai problème, c'est que vous voyez comment ça m'étonne. On dit, voici, si les gens vont à la Bible de la bonne façon, ils vont savoir qui est Satan. Chacun doit seulement en faire un individu à qui il faut seulement fuir. Mais les gens vont faire allégeance à ces personnes devant Satan pour l'adorer. Et on dit que c'est celui donc qui frappait. On dit que celui qui, dans sa fureur, frappait les peuples. Mais quelqu'un chante gloire à toi, Satan, jusqu'à d'autres composent la musique pour lui. D'autres chantent en dessinant 666 sur les corps. Pourquoi? Parce qu'ils ont vendu leur âme au diable. Le bien pour être sur le mal pour être sur le bien. C'est cela. Remarquez ce qu'on dit de Satan. On dit que s'il frappait le peuple, mais pourtant, vous voyez, effectivement, tout le monde semble être en paix. Tout le système économique, politique, démocratique est placé là-bas. C'est lui qui a conçu cela. C'est son monde à lui là-bas. Le prince de ce monde-ci. Je veux que. Enfin, allons-y. Regardez. Il dit celui, verset 6, celui qui, dans sa fureur, frappait les peuples par des coups sans relâche. Vous avez vu ce qu'on parle de Satan? Écoutons. Celui qui, dans sa colère, subjuguait les nations. Je dis que je recommence encore ce qu'il dit tout à l'heure. Faisons attention à l'individu appelé Lucifer. On dit subjugue une personne qui subjugue les nations. Tout à l'heure, on va garder le doigt dans le livre de Matthieu qu'on n'a pas fini là-bas. On va y revenir. Regardez. Il dit, celui qui, dans sa colère, subjuguait les nations, est poursuivi sans ménagement. Donc, celui-ci qui faisait ces choses, lui aussi, maintenant, c'est son tour. Donc, vous voyez que c'est le jugement de Satan ici. Maintenant, regardez. Toute la terre jouit du repos et de la paix. Donc, ça veut dire que c'est un moment donné où on le traite. Vous allez dans l'Apocalypse, chapitre 20, vous allez voir effectivement de quoi il est question là-bas. Lorsqu'on va le trapper pour 1000 ans, et puis maintenant, il y aura la paix sur la terre. Vous voyez, n'est-ce pas? Ok, regardez. On éclate en chant d'allégresse. Les cyprès, même les cèdres du Liban se réjouissent de ta chute. Vous avez vu cela? Les cèdres du Liban chantent de sa chute. Ok, maintenant. Depuis que tu es. Maintenant, on commence à pointer du doigt quelqu'un. Depuis que tu es tombé, personne ne monte pour nous abattre. Oh, c'est terrible. Le séjour des morts se met jusque dans ses profondeurs. Donc, il y a des chants à l'intérieur là-bas dans le séjour des morts. Il dit. Pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille devant toi les ombres, tous les grands de la terre. Vous avez vu cela? Écoutez. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations, dont chacun est surpris. Regardez, temps en temps. Tous prennent la parole pour te dire. Toi aussi, tu es sans force comme nous. Tu es devenu semblable à nous. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts. On parle de qui ici? Parce que quelqu'un avec qui il ne faut pas collaborer. Donc, même s'il y a n'importe quel jouissant qui puisse donner maintenant sa fin, il a envie de vous entraîner là-bas. Attention. Dis à ton voisin, ne collabore pas de proche ou de loin avec Lucifer. On y est? Maintenant, regardez. Regardez. Ta magnificence, nous sommes verset 11, est descendue dans le séjour des morts avec le son de tes luttes. Sous toi est une couche de verre. peut prendre dans Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 23, quand Hérode a écrit, harangué, le ver l'a pénétré, puis il est mort. Voilà ça. Maintenant, regarde. Puis on dit, te voilà tombé du ciel. Oh mon Dieu, je n'aime pas ça. Soulignez ça, vous mettez Lucifer. Vous écrivez Lucifer en bas. Vous voyez, quand vous lisez ceci, on semble dire, là, ça commence à parler de Jésus là maintenant, parce que ce sont l'un de ses attributs là-bas. C'est pas normal ça. On vient de dire, oh non, ici, et c'est un vrai problème. C'est un vrai problème, regardez. Vous regardez le verset 5 en haut, on dit, l'Éternel a brisé le bâton des méchants, la verge des dominateurs. Ce n'est pas normal. Soulignez dominateur là-bas. Soulignez dominateur qui est en haut là-bas. Mettez entre parenthèses, Ésaïe 55, verset 5 là-bas. Verset 4. À côté des dominateurs, c'est même pas le moment de faire les études bibliques ici là. J'aurais souhaité prêcher pour avancer, mais il y a des choses qui me dérangent là. Il y a des attributs. Ouais, voici les choses dont je suis en train de dire. Satan est tellement proche de la réalité que même dans la Bible, il est entre pour se cacher. Quand vous lisez Astre brillant là, vous laissez ça comme ça. On a de vouloir parler comme ça de Jésus là maintenant, mes chers amis. Donc là-bas, maintenant, vous allez faut savoir les clés qui sont. Vous ne pouvez pas confondre la domination du Seigneur à la dictature antichrist. Ce n'est pas les mêmes attributs. Écoutez très attentivement. Okay, on va arriver en bas là, vous allez voir cette chose-là. Regardez. Regardez. Vivant encore le verset 12. Te voilà tombé du ciel. Astre brillant, je dis que souligne astre brillant. Vous écrivez au-dessus de Lucifer. D'accord? Fils de l'aurore. Vous avez vu cela? Fils de l'aurore. Mais c'est quand même terrible là. Regardez. Toi, le. Voilà. Tu es abattu à terre. Toi qui? Le vainqueur des nations. Ce n'est pas possible. Soulignez vainqueur là. Et vous écrivez au-dessus dominateur. Vous soulignez, on continue. Vous écrivez dominateur. Donc je vais relire cela avec ce que vous avez écrit. Il dit, toi le dominateur des nations. D'accord? Le vainqueur des nations, c'est le Seigneur Jésus. Le dominateur, celui qui domine. Il domine avec la dictature, c'est Satan. Vous savez ici, n'est-ce pas? Ok, maintenant. Regardez. Ouvrez Ésaïe 55 là rapidement, verset 4, pour qu'on lise ce qu'il écrit, parce qu'il vous a demandé d'écrire là-bas. 55, verset 4, regardez. Regardez ce qu'il écrit. On parle du Seigneur Jésus-Christ ici, donc du salut qui est offert gratuitement. Puis on vient au niveau du verset 4, on dit, pour David, au-dessus, on dit, pour rendre durable mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Vous voyez comment on dit ici? On dit celui-ci est chef et dominateur des peuples. Pourtant, dans Ésaïe 14, verset 5, on parlait que Satan est dominateur. Ça, on ne peut pas le tolérer des choses comme ça dans la Bible. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Satan n'a pas été établi comme chef et dominateur des peuples. Non. D'accord? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, regardons ici. Rentrons dans notre Ésaïe 14 là. D'accord? Vous allez entendre son nom tout à l'heure. Regardez. Toi, tu es abattu. Nous sommes dans Ésaïe 14. D'accord? Regardez. Toi, tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations. J'ai dit que ce n'est pas ça, n'est-ce pas? Donc là-bas, c'est oppresseur, dominateur. D'accord? Si vous regardez au chapitre 2, chapitre 14, verset 2, vous allez voir, on dit. Verset 2, regardez bien, verset 2 du chapitre 14, là toujours, on dit, les peuples les prendront et les ramèneront à leur demeure, et la maison d'Israël les possédera dans le pays de l'Éternel, comme serviteurs et comme servantes. Ils retiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs, et ils domineront sur leurs oppresseurs. On oppresse le peuple de Dieu. Donc celui qui vient là-bas, Lucifer, c'est un oppresseur, il l'oppresse. D'accord? Il l'oppresse. Donc c'est toi l'oppresseur des nations. Tu disais en ton cœur, nous voici maintenant, nous nous trouvons au ciel maintenant. Tu disais en ton cœur, nous sommes verset 13, je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. C'est terrible. Vous entendez ça? Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée. Vous avez vu cela? Donc, écoutez très attentivement. Écoutez très attentivement. Je vais aller doucement là maintenant. Ici, c'est délicat. Vous remarquez qu'il faut qu'on mette ces fondations pour avancer. Parce que si on dit seulement que tel fait les miracles, tel fait les miracles, vous ne pas comprendre d'où est la source. Voici quelqu'un qui avait le projet dans son cœur de détrôner Dieu. Un être qui se challenge. On l'a vu physiquement. Dieu est venu dans la chair, il est venu sur la terre, dans la chair. Il a challengé Dieu dans l'esprit, dans le ciel. Il est venu sur la terre, il est venu le challenger. La prochaine fois, il va venir dans la chair en antichrist. Alors ici, il dit, la Bible déclare qu'il disait dans son cœur, il va monter sur le trône de Dieu. Il dit qu'il va aller dominer sur la montagne des assemblées. Remarquez ce qu'il dit là-bas. Qu'est-ce qu'il en a dit? Satan dit clairement ici que la réunion chrétienne où les fils se réunissent, il va aller dominer sur eux. Vous me regardez comme ça, comme si c'est moi qui écris la Bible. Si, regardez encore ici, regardez. Il dit, verset 13, tu disais en ton cœur, je monterai. C'est donc quand il était comme ça au ciel, comme ça, il était comme ça là. Un peu comme le président de la Bible, vous voyez comment on donne les honneurs, on donne les honneurs. Tous ceux qui sont là-bas, qui ont fait un salut. Si on ouvre seulement le cœur, le chapitre, on met le haut-parleur sur le cœur, ça sort dans un endroit, chaque cœur sort. La résonance des sous que, quand les gens sont en train de regarder le président pour le bien, c'est que ça dit, vous allez entendre un chien comme ça, il est même qui pourrait recevoir les honneurs. Attends, s'il y avait des possibilités, pourtant ça allait se passer dans le cœur. Donc Satan était comme ça au ciel, il disait dans son cœur. Ça, c'est la pensée de son cœur. Oh, Dieu sonde les reins et les cœurs. Il disait en son cœur. Voici ce qui passait dans son cœur. Il dit, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Donc il voulait dominer sur tous les anges. Oui, cela n'est pas. Or, il y a un principe, il y a une façon d'être élevé au-dessus des anges. C'est par rapport, il faut d'abord mourir à la croix. C'est le lieu. La Bible déclare que celui qui est descendu, on l'a rabaissé pour un peu de temps en dessous des anges. C'est Hébreux chapitre 1. Il a reçu un nom qui est supérieur à la leur. Or, Satan voulait prendre cette place-là par coup d'état. C'est pas comme ça. Il y a une œuvre à pas accomplie. Celui lui demandait d'entrer dans la chair, le clou un peu comme ça, il devait refuser rapidement. Il n'aime pas souffrir celui-là. Mais Christ a dit souffrir cela pour nous. Donc, il dit qu'il devait monter ici pour s'asseoir au-dessus, mettre son trône. Son trône, donc, son pouvoir, sa domination. Il voulait développer sa domination au-dessus de tous les anges pour que tous les anges soient sous lui. C'est ça, n'est-ce pas? Or, le fait pour pouvoir l'avoir, il faut d'abord passer en dessous des hommes, des êtres humains mortels. Pour pouvoir hériter cette place-là, Satan dit zéro. Il ne peut pas descendre là-bas. Mais il veut quand même pas coup d'état. Amen. Maintenant, regardez ici, il dit, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée. Vous savez, c'est ça? Oh, c'est quoi incroyable. La Bible déclare qu'il dit qu'il va s'asseoir sur la montagne de l'assemblée. Pas des assemblées, de l'assemblée. Je suis en train de m'arrêter ici pour que vous compreniez l'implication dans l'église. Je vous ai donné aujourd'hui 2 Thessaloniciens chapitre 2, n'est-ce pas? Mettez les doigts ici, on va là-bas rapidement. Et puis préparez Hébreux chapitre 12. Vous, c'est ce que le Seigneur entre nous dit ici. Il dit qu'il va s'asseoir sur la montagne de l'assemblée. C'est terrible comme déclaration. Quelqu'un va aller s'asseoir sur la montagne de l'assemblée. Écoutez bien ce que le Saint-Esprit va dire là maintenant. Regardez. 2 Thessaloniciens, vous dites, je vous montre aussi rapidement là. Préparez Hébreux, parce que Hébreux se trouve tout juste après là, devant là, quelque part. On y va dans 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Regardez bien attentivement. Je crois que le décor est planté. Je vous ai dit tout à l'heure de lire le verset 1 à 15, n'est-ce pas? Prenons-les doucement. Gardez à l'esprit que nous sommes dans le livre d'Ésaïe chapitre 14. Gardez à l'esprit qu'on n'a pas fini Matthieu chapitre 4. Si besoin c'est fait, je vais citer ce qui est dans Matthieu chapitre 14, chapitre 4 là. Regardez, j'y vais rapidement. Verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelques inspirations, vous avez vu ça, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Vous y êtes? Que personne ne vous voyez, n'est-ce pas, l'église a été prévenue à plusieurs endroits d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu l'homme du péché. Qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils, l'homme du péché, l'autre son nom, c'est le fils de la perdition. Écoutez encore, ce n'est pas encore fini, le qualificatif. L'adversaire qui s'élève au-dessus, vous avez encore vu le mot, au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. C'est ce qu'on a trouvé dans Isaïe. De tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Jusqu'à s'asseoir où? Se proclamant lui-même. Vous avez vu ça? Donc, les projets du cœur de Satan vont s'accomplir. Les projets du cœur de Satan vont s'accomplir. Jusqu'à ce qu'on vienne nous détourner de là. Souvenez-vous, j'avais dit un jour ici, dans le livre de Galates, chapitre 1, verset 8, 6. L'apôtre Paul dit que je vous écris cela au sujet de ceux qui vous troublent, qui veulent renverser l'évangile de Christ. Lorsque le Saint-Esprit a émis cette idée dans la Bible, qu'il y a des gens qui veulent renverser l'évangile de Christ. Puis il dit là maintenant, quand nous-mêmes, quand un ange ici a annoncé un autre évangile, autre coup, ce que nous avons annoncé, qu'il soit anathème. Au verset 6, donc, il dit que c'est qu'il y a des gens qui veulent enseigner d'autres évangiles pour renverser l'évangile de Christ. Ça veut dire clairement, le Saint-Esprit dit que le moment arrive où un autre évangile va sortir pour pouvoir détrôner l'évangile. C'est ce qu'il en a dit. Donc quand Satan a dit dans son cœur que je veux ce projet-là, ça doit se manifester. C'est ça. La Bible déclare qu'il va aller le faire, s'asseoir dans le temple de Dieu, s'appeler lui-même Dieu. Vous entendez ce qu'il écrit? C'est devant nous là maintenant. Ceci n'est pas encore accompli. Ça va venir dans. Mais nous pouvons donc voir les prémices de ces choses-ci, le fait que Satan est déjà au milieu chrétien. Puisqu'on a vu tout à l'heure à l'entrée de matière qu'il se donnera de foule de doctrine, il va enseigner les doctrines démoniaques. On a vu ça, n'est-ce pas? Donc Satan a déjà ses élus à l'intérieur, au milieu de l'église. On a donc dit que 2 Thessaloniciens, 2 Corinthiens chapitre 11, dit que Satan lui-même se présente en ange des lumières. Il n'est pas étonnant donc que ses ministres se présentent en ministre de justice. Regardez bien, c'est ministre, en ministre de justice. Donc il vient, il peut vous parler de certains aspects de la vérité, parler de la rédemption par le sang de Jésus, mais ce sont des ouvriers d'iniquité. Ils disent la vérité que Christ est mort à la croix. Oh bien-aimé, Christ est mort à la croix pour tes péchés, mais il n'est pas sauvé. Il a un but, parce qu'à un moment donné, il va injecter les doctrines qui vont t'entraîner à la dérision. C'est terrible. Vous voyez, continuons cette lecture ici, regardez. Ne vous souvenez-vous pas, verset 5 de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? L'apôtre, ça veut dire que l'apôtre a dit ça physiquement comme ça, comme j'en ai parlé. Quand il est allé, certaines personnes qu'on a voulu enseigner quelque chose, il a dit que je vous avais dit ces choses-là, que en fait, comprenez que voici ce qui est, quand vous dites n'importe quelle inspiration, on ne croyait pas, voici ce qui va arriver au préalable. N'est-ce pas? Voilà, regardez. Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Donc, vous voyez effectivement que Dieu a fixé le temps pour chaque chose. Voilà maintenant. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. C'est pour cela que c'est voilé. Ça veut dire que même la révélation de l'Antichrist est voilée dans un mystère. Ceci veut dire que ce n'est que ceux à qui Dieu a donné la sagesse et l'intelligence pour révéler cela qu'ils peuvent révéler. Toutes les études donc, que les gens vont faire sur l'Internet en disant que Obama c'est l'Antichrist, celui-ci c'est l'Antichrist, c'est les équilibrations. Les choses de Dieu ne viennent pas au monde comme ça que tout le monde est au courant. Jamais. Parce qu'on dit que c'est enveloppé. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie. Que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Vous avez vu cela? Puis on explique maintenant. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Vous avez vu ce que la Bible, le Nouveau Testament dit? L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges, quoi? Mensongers. Soulignez ce verset. Donc, les pasteurs, les prophètes de l'iniquité qui opèrent les miracles n'est qu'un signe avant-coureur des grands et dignes miracles et prodiges mensongers qui vont se manifester sur la terre pour amener le grand homme à la dérision. Les quelques miracles des prophéties, vous entendez ça et là que les faux prophètes le font, ce n'est que la face visible de l'iceberg. La grande partie est immergée. Ça va se révéler, manifester, ça va amener les gens dans la dérision. Il dit que l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec tout ce qui va accompagner. Quand l'Antichrist, quand l'homme impie va se manifester, le miracle, les prodiges, les miracles vont l'accompagner. Mais on dit que ces miracles sont des miracles mensongers. Quand c'est un miracle mensonger, ça se pose que c'est un miracle qui va conduire les gens vers le menteur. C'est un miracle qui va conduire les gens vers le menteur. C'est un miracle qui va conduire les gens vers le menteur. Il va donner les prodiges, les miracles, les prophéties. Oui, ça sera vrai, mais ça va conduire les gens vers le menteur et faire du mensonge. Mais le Saint-Esprit a déjà dévoilé que quand il va venir, il va accomplir les miracles. Donc Satan accomplit effectivement les miracles. Il n'est pas donc étonnant que ses serviteurs aussi accomplissent les miracles. Et là, on peut retracer dans les Écritures partout. Mais souvenez-vous, l'enjeu se trouve en milieu religieux. L'enjeu donc se trouve en milieu religieux. On avance dans le milieu religieux, l'enjeu se trouve en plein milieu chrétien. Parce que si vous prenez un bouddhiste, on sait que ce sont un dieu païen. Si vous prenez les dieux africains, ce sont les dieux païens. Vous prenez la révélation, vous prenez la Bible, vous mettez là-bas, ça montre qui est le vrai Dieu. Et donc là, c'est là-bas où il y a l'enjeu. C'est là où il y a l'enjeu. Amen. Amen. Vous avez suivi ce qu'il dit? Donc Satan, le diable, avait dit dans son cœur qu'il va aller s'asseoir. Et on voit dans deux temps que ça va s'accomplir, n'est-ce pas? Maintenant, regardez. On dit que c'est dans le temple de Dieu. C'est vraiment à proclamer Dieu. Il est au-dessus de tout ce qu'on adore et tout ce qu'on appelle Dieu. Alors, dans, il dit tout après le livre, si on va dans Hébreux chapitre 12. Allons-y maintenant, regardez. Hébreux chapitre 12. Ah, c'est merveilleux seulement. Hébreux le chapitre 12. On y va. Regardez, c'est délicat la façon dont je vais lire. C'est délicat parce que l'ancien et la nouvelle alliance sont mélangés ici. On nous envoie dans le ciel directement, donc c'est embrouillant. Donc vous allez me suivre l'instruction, la façon dont je vais lire doucement. Regardez attentivement. Le chapitre 12 que je vais lire, le verset, je suis où là? Parce que le chapitre 12 devant moi. Regardez, le verset 18. D'accord? Je vais lire, noter le verset 18 au verset 24. D'accord? Écoutez largement, notez verset 18 au verset 24, mais je vais lire ça d'une certaine façon. Il dit, on mélange l'ancienne alliance, la nouvelle alliance, puis on nous introduit dans le ciel. Ce qui fait que si tu lis sans savoir cette distinction-là, si rapidement, ça t'embrouille rapidement. Mais je veux que vous percevez quelque chose qu'on a lu dans Esaïe 14, puis on finit si on y rentre. Regardez, vous, ici au verset 18, vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête. Je lis directement le verset 22. Regardez bien. Je suis attentivement, je lis le verset 18, puis je vais la suite sur le verset 22 que je lis. Je ne lis pas le verset 19, 20, 21, je lis le verset 18, puis le verset 22. Mais quand vous aurez le temps de lire doucement, vous allez comprendre que c'est l'ancien alliance et le nouvel alliance qui est mélangé, on nous conduit dans les cieux. Je recommence au verset 18, et puis je vais continuer là-bas au verset 22. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuit, ni des ténèbres, ni de la tempête. Mais vous vous êtes approchés. Vous voyez, on dit, vous ne vous êtes pas approchés. On a dit prendre l'ancienne alliance que où les juifs étaient allés réunis lorsque Dieu est descendu à Horeb dans Exode chapitre 19. On a dit prendre une similitude. Écoutez-moi, voyez-moi ici là. On a dit prendre une similitude de la réunion de l'assemblée des juifs dans le désert où Dieu se présentait sur la montagne. Il dit que ce n'est pas ce style de montagne que vous êtes approchés. Là, on avait dit que les bœufs ne pas touchés. Il dit que vous ne vous êtes pas approchés sur cette montagne, mais il y a un style montagne où les chrétiens sont approchés. Vous voyez ça, n'est-ce pas? L'ancien alliance, nouvelle alliance, mais ça ne conduit vers le ciel. Regardez. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, virgule. La Jérusalem céleste, virgule. Des miracles qui forment le cœur des anges. Regardez bien. De l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, virgule. Du juge qui est le Dieu de tous, des esprits, des justes parvenus à la perfection. Virgule. La phrase n'est pas encore terminée. De Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. C'est sur cette montagne-là que Satan a dit qu'il va aller s'asseoir au-dessus. Vous avez vu ça? Vous voyez sa prétention? La place de la suprématie de Dieu. Il dit qu'il va être ça, il va aller s'asseoir sur la montagne de l'assemblée des premiers nés inscrits dans les cieux. C'est-à-dire que il va dominer sur les fils de Dieu. N'est-ce pas prétentieux? Alors si un être comme ça commence à confronter pour prendre la place de Dieu, ça c'est la place de Dieu. Comprenez qui il est et quelles sont ses intentions. Et donc la Bible nous a enseigné donc qu'il va accomplir, il va faire ces choses-là. Jésus étant sur la terre, il a dit que ils séduiront si c'était possible quoi? Même les élus. Si c'était possible, c'est parce que Dieu a décidé dans sa souveraineté que ça ne doit pas se passer comme ça là. C'est que tous nous, on sera à l'intérieur. C'est ça, bien-aimés sœurs. Que Dieu vous bénisse vraiment. Rendons dans Isaïe 14 donc. Merci. Merci d'avoir accepté d'aller dans ce livre-ci. Donc, il est question. Il était normal que je puisse vous entraîner dans la Bible comme ça. Donc, permettez que ça dure comme ça, il n'y a pas de problème. Mais je suis obligé de vous dérouler les écrits pour que vous voyez ce qui est écrit là-dedans. Maintenant, rendons dans notre Ésaïe 14. Revoyons-nous là-bas parler encore. Donc, c'est Dieu qui nous dévoile le plan de son cœur. Sûr que Satan a dû s'étonner que, mais comment le type s'y fait pour savoir, il fait mon plan, il ne fait que connaître. Il doit connaître qui est Dieu. Bon, maintenant, regardez verset 13 encore. Tu disais en ton cœur, le chapitre 14 d'Ésaïe. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. 1. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. 2. Je m'asseyerai sur la montagne de l'assemblée. 3. À l'extrémité du septentrion. 4. Je monterai sur le sommet des nues. Mais c'est quand même terrible. Donc il va se manifester même là-bas comme la venue du Seigneur Jésus. Regardez, regardez. Je serai semblable au Très-Haut. Pour un être de 10 ici, il faut avoir du kilo. Alors je pose la question. Savez-vous avec quel être nous sommes en train de nous confronter? Je prêche comme ça étant dans son territoire. Nous sommes dans son territoire. Ici, donc, où tu es avec lui, où tu es contre lui. C'est un peu comme quand il y avait la guerre en Irak. Quand tu salues un Américain, il dit es-tu pour, contre les, tu es pour la guerre en Irak? Tu dis non, je ne suis pas contre la guerre, donc tu es contre les Américains. Tu dis non, je ne suis pas contre les Américains, donc tu es pour la guerre en Irak. Non, non, je ne suis pas contre pour la guerre en Irak, donc tu es contre les Américains. Donc tu mettais dans un endroit où tu étais dans l'impasse. Alors, ici où tu es avec le Seigneur Jésus, ou bien tu es avec Satan. Donc, on doit comprendre que c'est cette guerre que nous sommes en train de mener sur la terre. Donc, les résultantes, donc, sont les différentes choses, les inventions, les choses, les systèmes politiques, les systèmes qui se changent, là, qui se mettent au milieu de nous. C'est ça, les manifestations de ces enjeux spirituels. Alors là, toi et moi, nous vivons dans, dans une plateforme où il y a un bagarre au-dessus de nous pour décider où, qui va mettre le pas. Et la Bible déclare, ce n'est pas à l'homme lorsqu'il marche à diriger ses pas. Vous voyez effectivement que si vous savez qu'au milieu de nous se trouvent dans les démons, tu ne sais pas où tu vas mettre le cœur, tu ne sais pas chez qui tu vas aller entrer. Preuve, chez les pasteurs, tu quittes les pasteurs, tu viens voir les pasteurs. Un pasteur homosexuel, il est en plein là-dedans. Il impose les mains sur toi, tu sens la chaleur passer dans toi, mais c'est la puissance démoniaque qui a été maître. Faisons attention. Faisons attention. S'il y a un endroit où, le moment où les chrétiens doivent prier pour que Dieu leur donne l'esprit pour pouvoir discerner le vrai du faux, c'est cette heure-ci. C'est une heure de la grande séduction. La séduction ou la prédication peuvent aller limite, jusqu'à ce que tu crois effectivement que c'est juste partout. Mais la grande apostasie est installée. C'est ça. Ok, maintenant regardez, continuons cela. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes? Regardez bien. Qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes, donc toutes ces choses-là sont ici, Satan est responsable. Et ne relâchait point ses prisonniers. Donc quand tu entres dans les griffes de Satan, il faut seulement la grâce de Dieu pour que tu sortes. Et la plus terrible de ces forteresses-là, c'est la forteresse religieuse. Dans le monde, tu peux entrer dans les sectes et tu fumes, tu pars quelque part encore, tu es le marabout, tu es protégé encore, encore que tu es encore dans son camp. La forteresse religieuse, c'est grave. Tu fuis le monde, tu dis, oh, je suis venu le pasteur. Oh, tu ne sais pas. Il transfère seulement ton dossier là-bas de chez le marabout, mais chez le pasteur, que suivez le garçon là. Fais tout pour qu'il ne sorte plus là-bas. Tu sais là-bas, tu crois que tu as servi Dieu et tu étais chez Satan encore. Faisons attention. Chacun doit prier pour une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus. Chacun doit prier, doit soupirer que la communion entre lui et le Seigneur Jésus s'établisse. Tant que cette communion entre toi et le Seigneur Jésus n'est pas établie, ne vous donnez point du répit. C'est uniquement là où vous pouvez faire confiance à Dieu de façon aveugle, sans reposer cela sur un homme. Donc chacun doit chercher la communion avec la face du Seigneur, à la face du Seigneur. Restez-y, votre vie en dépend. Ne comptez pas sur un homme pour vous connecter là-bas. La Bible déclare que par lui, nous avons les uns les autres accès auprès du Père. Allons auprès du Père par le sang de Jésus. Allons, connectons-nous à lui. Prions, demeurons devant lui, pleurons, cherchons sa face. Dis Seigneur, je désire te connaître, je suis ta fille, je suis ton fils, je désire te connaître. Est-ce normal qu'un enfant ne comprenne pas la voix de son père, je désire entendre ta voix. Il parlera. Demeurez-y, il parlera. Il parlera. D'accord? Ne faites pas confiance aux hommes. Faites confiance au Seigneur Jésus. Vous allez voir, il va vous conduire dans la vérité. Amen. Alors maintenant, quand vous avez confiance, quand votre confiance, votre relation est établie avec Dieu, il peut te conduire vers les hommes qu'il s'est choisi. De temps à ce que si tu conduis vers les hommes, s'il parle au travers de ces hommes-là, ce n'est pas l'homme-là que tu es en train de suivre, c'est Jésus que tu es en train de suivre. Amen. Vous cessez là, n'est-ce pas? C'est la méthode de l'écriture là maintenant. Maintenant, il dit, verset 18, tous les rois des nations, oui, tous reposent avec honneur, chacun dans son tombeau. Vous avez vu que ici, on est en train de parler de séjour de mort. Subitement, on parle de tombeau ici. Mais toi, tu as été jeté loin de ton sépulcre. Vous avez vu le mot? comme un rameau qu'on dédaigne, comme une dépouille des gens tués à coups d'épée et précipités sur les pieds d'une fosse, comme un cadavre foulé aux pieds. Tu n'es pas réuni à eux dans le sépulcre, car tu as détruit ton pays. Tu as fait périr ton peuple, souligné, ton peuple. Satan a un peuple. Donc même son propre armée, il va les détruire. Maintenant, ça peut choquer maintenant ceux qui ne croient pas qu'il y a deux lignées sur la terre. Il a son peuple. Satan a son peuple. Satan a son peuple. Et Satan a détruit son peuple, il les a amenés. Donc même les bras droits, les satanistes et au-delà, ils sont gonflés à bloc maintenant parce qu'ils expérimentent les pouvoirs. Le monde va arriver quand la vraie réalité va se manifester, quand Emmanuel va se présenter. Ils vont dire, mais là, c'est grave. Même Satan lui-même va se cacher. Ils vont dire, mais chef, on dit, mon ami, sauf qui peut. Alléluia. Quelqu'un dit, Jésus-Christ est tout puissant. En effet, il est le tout puissant. Le tout puissant de Jacob. Voilà. Maintenant, regardez, il dit que on ne parlera plus jamais de la race des méchants. Amen. Amen. Amen. Amen. Verset 22 dit, je me lèverai contre eux, dit l'Éternel des armées, j'anéantirai le nom et la trace de Babylone, ses descendants et sa postérité, dit l'Éternel. Bien aimé, il y a deux lignées sur la terre. Dieu ne détruira pas sa postérité. Mais il a dit qu'il va détruire celle de Babylone. Amen. Alors maintenant, le décor est planté maintenant, je peux commencer à prêcher. Ça c'était l'introduction. Amen. Ok, maintenant, comme la Bible est là, tout à l'heure, nous sommes arrêtés à un endroit dans le livre de Matthieu, chapitre 4, où il y avait la tentation. La troisième étape de la tentation va consister maintenant à l'adoration. Satan va aspirer l'adoration, va expecter. Ça, c'est en anglais que j'ai dit ou c'est en français? Expect. Expect, c'est en anglais ou c'est en français? On dit ça en français. Quand j'attends quelque chose de toi, on dit quoi? Espérer. L'anglais, français, c'est vrai. Donc, Satan espère l'adoration de la part du Seigneur, n'est-ce pas? Il dit dans ce Matthieu chapitre 4, là où il y a la tentation. Il dit, transforme ce pain et mange. Et le Seigneur Jésus lui répond. Il dit, ok, jette-toi ici. Il dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu, il se tourne maintenant. Il dit maintenant, oh, lisons cela, lisons. Matthieu 4. Matthieu chapitre 4. Oh Seigneur Jésus, qu'est-ce qui est arrivé au monde? Maintenant, verset 8, nous sommes verset 8, n'est-ce pas? Regardez. Le diable le transporta encore. Donc, c'est des amis, hein? Vous voyez ça? C'est des amis. Ils marchaient. Ou bien ils ont pris le bain, ils ont pris le flambeau. Je ne sais pas. Le diable le transporta encore sur une haute montagne très élevée. Lui montra quelques royaumes, à l'exception du royaume du Cameroun. Hein? Vous avez entendu ça, frère? Hein? Lui montra. Donc, Satan a donné les visions à Jésus. Regardez-moi ça. Regardez, observez bien. Satan a montré les visions au Seigneur Jésus. Ce n'est pas une interprétation. C'est ce qui est écrit là-bas. On dit, le diable le transporta encore sur une haute montagne très élevée. Lui montra, c'est pas ce qui est écrit, quelques royaumes. Dieu. Comment tu peux être sur une montagne, tu vois le royaume du Cameroun? Supposons que le monde, à ce moment, il est Himalaya. Il se peut que tu vois deux tribus au-devant de toi. Tu peux voir tout le monde entier. Donc, c'est un écran de projection. J'arrive là-bas. Je sens de toucher parce qu'on est de la séduction des miracles. Alors, dans cet homme, il peut donc donner donc, les visions. S'il a donné à notre chef, à nous. Frère, c'est grave. Il peut donner donc des visions. C'est donc pour ça que vous allez voir des assemblées sont divisées à cause des visions. Ils vont diviser. J'ai vu une vision où la femme s'y mangeait telle autre personne et la personne n'est pas sorcière. Et la personne qui a dit que j'ai eu une vision a vraiment eu une vision. Elle a vu dans sa vision quelque chose qui est en train d'arriver. Elle a vu que comment cette soeur attaquait une autre soeur. Mais l'autre soeur est innocente. Elle ne connaît pas quoi que ce soit dans cette chose. Elle n'a jamais fait la sorcellerie. Mais pourtant, celle-ci a quand même eu une vision. Il faut admettre que quelqu'un lui a donné la vision. C'est ça, frère. Hmm. Donc, quand il va entrer dans le développement, on va les tracer étape par étape. Mais souvenons-nous, dans 2 Thessaloniciens, on a dit qu'il va faire toutes sortes de prodiges, des miracles, de mensongers, n'est-ce pas? Bon, maintenant, regardons en quoi consiste la vision. Dans la vision, c'est que ça, si ça va se réaliser. Regardez, verset 9. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses. Donc, ça veut dire que pendant qu'il se tient là, Jésus se tient là, vous savez, si on parle de vision, vous devez savoir ce que la question. Ce n'est pas un rêve. On n'a pas dit juste qu'il allait sur la montagne dormir, il a eu un songe. On a dit c'est une vision. Donc, il a fait un certain chose. Ça s'est projeté au devant de lui. Lui et Jésus regardaient cette vision. On n'a pas dit, Jésus a dit que j'étais chassé, je refuse cette vision au nom de Jésus. Je refuse cette vision, non. Il a fixé la vision, il a regardé, Satan et lui regardaient, et Satan est sûr qu'il voyait ce que lui il voyait. Il dit que, regarde, je te donnerai toutes ces choses. Vous avez vu ça? Je te donnerai toutes ces choses. Quand George Wakabush est venu au pouvoir aux États-Unis, il a dit qu'il était en Texas. Dieu a parlé à lui, il a dit que va, je te donne en mission, parce que tu vas aller au Proche-Orient pour aller faire quelque chose. Il est venu, effectivement, il a monté au pouvoir. Parce qu'ils l'ont monté, parce qu'on l'a mis au pouvoir. Il allait accomplir cette vision-là. Mais ce n'est pas le Dieu du ciel qui l'a envoyé. Ce n'est pas le Dieu du ciel qui l'a envoyé. Regardez bien ici, regardez. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si, dans la condition qu'il te donne, ce que tu vois, c'est que tu te prosternes devant moi, Emma. Mais cet individu-ci, là, cet individu, ce qu'on appelle Lucifer, regardez bien ce qu'il peut faire. Vous suivez, n'est-ce pas? Vous le voyez? Maintenant, regardez. Alors, la Bible veut nous montrer que, un, si Satan te tente, il va venir premièrement. Si tu es chrétien, il va te tenter avec les choses de Dieu. Si tu essaies de résister longtemps, il va sortir avec la séduction du monde. Il va sortir à la séduction du monde dont le but c'est, si tu acceptes cela, tu seras en train de te prosterner au devant de lui. C'est ce que la Bible nous présente ici. Alors, vous entendez que les gens ont fait naufrage tout simplement parce qu'ils ont aimé de l'argent. D'autres, regardez une femme qui était brûlée, vous entendez que quelqu'un a chaviré. Mais celui-ci était bon, comment c'est là? Ils sont seulement en train d'aller dans leur lieu. Regardez ici. Et lui dit, je te montrerai tout, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes devant moi, je te prosterne et m'adore. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car elle est écrite. Jésus est encore revenu dans l'écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Amen. Amen. Amen. Amen. Imaginez ce que le Seigneur Jésus a dû vivre. Parce que donc, la Bible déclare qu'ayant été tenté lui-même, il peut venir en aide à tous ceux qui sont tentés. Regardez ce qu'il a subi. Regardez l'oppression qu'il a subi. C'est le chef de tous les anges, des tiers des anges qui est allé le confronter. Et ici on n'est que pauvre et même mortel. Où on dort, même la souris peut venir nous presser sur le lit. La souris. Le chat passe et te regarde comme ça, la chair de poule t'arrête. Le chat. Le chat qui a seulement le démon de caméra. Il y a des démons qui servent seulement de caméra. Où ils entrent seulement dans les animaux, ils te regardent comme ça. Pendant qu'ils te regardent comme ça, c'est exactement quand on a braqué la caméra et qu'on peut voir la télévision. Comme les caméras se braquent au boulevard de Vermeer pendant qu'on défile. À la maison, tu as les voix sur l'écran. C'est exactement ce qui se passe. Les démons caméra. C'est ça. Hein? Il dit, il y a des démons qui servent de caméra. Je ne sais pas comment vous expliquer ces choses-ci. Dans l'ordre, ce que vous voyez ici, ce n'est qu'une représentation de ce qui est là-bas. Quand quelqu'un met un truc comme ça là, d'abord vous filmez quelque chose comme ça là, puis vous tournez, si vous en devez voir la personne, est-ce que la personne est là? Non. Quelque chose là, regardez, ça a fixé sur l'objectif, n'est-ce pas? Il y a donc les démons qui servent des caméras, qui entrent dans les animaux, d'autres dans les souris, d'autres dans les chauves-souris. D'autres donc, ils entrent comme ça là, ils tournent autour de vous, ils entrent. Tout ce que vous parlez, on en entend là-bas, c'est comme c'est un baffle qu'on a mis là-bas, qui relaie ça là-bas. Vous savez pas cela? Les chats passent à côté de toi, ils te regardent comme ça là, ils t'assoient, ils te comme ça là. On filme toute la maison, le chat fait comme ça là. Il tourne la caméra, on a des filmés, c'est notre royaume. Frère, réveillez-vous. Vous dites ça? Donc, le Seigneur Jésus-Christ a été confronté au chef de tous ces gens-là. Et nous sommes des mortels. Les petits démons comme ça, là, qui sont des caméras, vous pouvez faire ça pour casser l'objectif directement. Vous pouvez brouiller l'objectif en disant seulement que sors. Seulement ça, l'objectif est brouillé. Tout l'objectif est brouillé. L'écran casse là-bas, ça renverse tous ceux qui sont en meeting. Je vous le dis au nom du Seigneur Jésus. Alors maintenant, ceux-ci, vous ne pouvez pas les combattre. Et tu mets la main dans la poche comme ça que Satan ne peut rien même faire ici dehors. Il te regarde même comme ça, il regarde même que celui-ci, aucun de temps ne brûle sur lui, le seul, mais il s'embrouille. Il va venir nous chauffer là-bas lui seul. Faisons attention, l'individu appelé Satan. Jésus a un point essentiel qui veut conduire les gens dans les Écritures. Un, tous les miracles ne viennent pas de lui. Deux, toutes les prophéties ne viennent pas de lui. Trois, tous les prodiges ne viennent pas de lui. Quatre, toutes les bénédictions ne viennent pas de lui, Jésus. 5. Les faux prophètes Les fausses prophéties sont dans le plan de Dieu pour éprouver ceux de son peuple. Donc c'est normal qu'il y ait des faux prophètes. C'est Dieu qui a programmé qu'il y ait des faux prophètes. La prochaine séance, on développera ces points-ci véritablement. Prenons Deutéronome chapitre 13. Je crois que je vais vous donner ça tout à l'heure. Lisons. Deutéronome chapitre 13. On va prendre le témoignage là. N'oublie pas ton témoignage. Donc, tu peux noter le titre, mais pour ne pas oublier. Que Dieu vous bénisse. Imaginez combien les assemblées sont divisées à cause des visions. Imaginez combien les assemblées... Pour diviser les assemblées chrétiennes, ce n'est pas difficile. Il suffit que une prophétie soit ouverte, quelqu'un de prier. Ah, j'ai vu une vision. La femme du pasteur couchait avec la femme avec l'autre. C'est terminé. Ah, ce sera terminé, c'est terminé. Beaucoup sont comme ça là. D'autres ont pris, t'as la culpité. L'autre a volé l'argent de l'église. Après, du frère, où est l'argent que tu avais là-bas? Il dit que j'ai mis ça dans l'église. Alors, il n'a pas pris. La vision vient de révéler, la guerre commence. Il manque toujours l'argent de l'église. Voilà donc la division. Pourquoi? Parce que personne n'est pas enraciné dans la parole. Deutéronome chapitre 13, il dit, les faux prophètes sont un signe de Dieu pour son peuple. C'est-à-dire que pour tester l'enracinement du cœur de son peuple à lui et dans sa parole. C'est pour ça que les faux prophètes sont là. Vous suivez? C'est-à-dire quoi? Nous sommes ici. Nous allons quelque part où nous asseyons dans un stade où on dit qu'un prophète a de venir. Il commence à dire que je suis venu déclarer la bénédiction de Dieu sur toi. Si tu ne peux pas te dire, tu es maudit. Vous savez effectivement qui il est. Vous savez, donc maintenant vous savez que Dieu ne peut pas envoyer un prophète dire ces choses-là. Je suis venu dire, c'est là que je suis venu proclamer maintenant que vous avez quatre Mercedes. Si tu avais la Mercedes, maintenant que ça se change. Toi qui roules avec la vieille voiture, maman Joséphine dit que c'est de moi qu'on parle. Reçois le Ouma au nom de Jésus et que j'arrête, amen. Oh. Maman Joséphine peut me dire ça, pas vrai? Alors. Mais il y a des années où elle avait dit que je ne crois pas à la foi que ça va venir. Mais elle est dans la drift comme ça là. La roue un peu, il y a la bosse, ça fait comme ça. Le Seigneur dit qu'il est vivant. Mais il va quand même lui donner. Même sans qu'on ait prophétisé. Il va quand même lui donner. C'était pour elle maintenant. Mais c'est chapitre 13 de Deutéronome. Regardez. S'il s'élève au milieu de toi un prophète, regardez comment le Saint-Esprit parle. La Bible n'a pas dit si Dieu envoie un prophète, il dit s'il s'élève. C'est pour vous dire que ça synchronise l'Ancien et le Nouveau Testament de la procédure comme eux ils viennent. La Bible déclare que c'est Dieu qui envoie les prophètes. Jésus dans Matthieu a dit, c'est pour ça qu'il est écrit que je vous envoie des prophètes, vous crucifiez les autres, vous lapiderez les autres, n'est-ce pas? Je vous envoie. Il a donné les uns comme apôtres. Là, il s'élèvera du milieu de vous. Vous voyez, ici, encore même chose. Il dit, s'il s'élève du milieu de vous, il s'élève du milieu. Quelqu'un subitement est poussé par un élan, par un esprit. S'il s'élève du milieu de toi, un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant, allant après d'autres dieux, des dieux que tu ne connaissais point et servant-les, tu n'écouteras pas les paroles de ces prophètes ou de ces voyants. Frère, si l'église pouvait comprendre ces choses. Dieu vient de nous dire ici qu'il y aura des prophètes qui vont s'élever, effectivement, ils vont dire des choses dont les signes vont effectivement s'accomplir. Mais il dit que si ces signes-là, si les prophéties que celui-ci donne, même si ça s'accomplit et que ça te pousse à faire quitter le plan de Dieu pour aller vers d'autres dieux, il y a un problème. Il ne vient pas de lui, il ne faut pas qu'écouter. Alors maintenant, comment quelqu'un va venir se prophétiser pour te détacher de Christ et t'envoyer dans le monde? Je vois maintenant ton mariage. Ton mari, c'était un blanc. Et le blanc qui a devenu, parce qu'il est sur Internet, c'est pas l'impudicité qu'il a de voir. Il te prophétise, effectivement. Un blanc t'appelle. Viens sur Internet et c'est un blanc qui est divorcé. Remarquez, je veux que vous compreniez ce que je suis en train de dire. On prophétise ton mari. Ma soeur, te voit en Amérique, avec un blanc. Mais Satan arrange la chose. Vous avez, effectivement, trois jours après, tu passes sur Internet, un blanc tombe sur toi. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Parce que Internet, ça veut dire que le net, on appelle ça la toile. Regardez la toile. La toile d'araignée. C'est un système, c'est conçu là-dedans. La toile d'araignée est mise dans un coin. L'araignée qu'on soit, il part dans un point. Tu touches quand la mouche passe sur ça, ça bouge pas. Ça envoie l'information. Malgré qu'il y a plusieurs styles d'étoiles. Quand la mouche touche sur un des fils, l'araignée ne cherche pas à savoir c'est dans quel coin c'est allé. L'information vient à lui, c'est que c'est tel point qui a été touché. Donc quand tu pars, tu tapes www.bado ou bien drague-moi. Ça bouge la toile. Satan sait qu'une personne est venue. Alléluia. Alors, la prophétie sort en disant que ton mari, c'est un blanc. Tu dis, waouh, j'accepte. Je suis en train de dire, détenons chapitre 13 là. Maintenant, le problème, c'est que ce blanc, c'est un païen. Et Dieu dit que tu es chrétien, tu ne dois pas s'associer avec les païens. Tu ne dois pas te marier aux païens. Il y a un problème qui ne va pas. Deuxième chose, tu finis d'aller là-bas, tu t'es marié. La personne est divorcée. Le fait que la personne est divorcée. Désormais, dit que ton Dieu, là, je ne veux plus ici. Je ne veux plus lire la Bible. Vous voyez effectivement quelqu'un qui disait qu'elle est chrétien. Vous la voyez, elle est devenue, elle commence à se maquiller, commence à porter les faux cheveux, ainsi de suite. Elle a quitté la voie de la vérité. La prophétie est venue véritablement, ça s'est accompli. Mais cela pour ça, elle est servie d'autres dieux. C'est ce que Dieu est en train de dire que normalement, on ne doit pas compter cette prophétie. Est-ce qu'il est écrit là-bas? Oh, pourtant, je regarde encore, pourtant, la prophétie s'est accomplie. Donc, ça veut dire que toute prophétie qui ne concourt pas à s'accomplir dans notre vie pour nous faire craindre davantage Dieu, on doit rejeter, même si c'est vrai. Je vais recommencer cela. Toute prophétie qui vient dans notre vie, qui est dirigée dans notre vie, dans notre direction, et que à l'issue de cette résultante, ça ne nous conduit pas davantage à connaître Dieu mieux, à marcher dans la voie de la sainteté, de la crainte de Dieu, on doit restituer cela à qui de droit? On doit rejeter. Vous avez suivi? Ma soeur, ton cœur, tu vas mal, tu es blessé dans ton cœur parce que les gens te disent « Oh, c'est vrai, papa pasteur, yeah. Oh, tu as vu, Seigneur, tu as vu mon cœur. » Comment on dit, Seigneur, faites attention, ne succombez pas. Ne succombez pas, peuple de Dieu. Ne succombez pas. Vous êtes au-delà des pleurs, des lamentations. Vous êtes, soyez au-delà des pleurs. Ah, on a dit quelque chose. Vous savez, les femmes, on dit que ma soeur, lève-toi. Dieu t'a localisé. Ah, tu entends, comme tu parles. Si elle parle, peut-être la prochaine fois, nous n'allons pas revenir. Donc, mieux, je lis cela, lisons la Bible, on parle ici de la Bible. Si elle parle, vous allez dire comme ça. Bon, maintenant, regardons ici. Il dit, s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce. Remarquez, c'est Dieu qui en a parlé. Hein? Un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige et qu'il y ait accomplissement. Vous avez vu ça? Du signe ou du prodige dont il t'a parlé. Vous avez vu cela? C'est la façon qu'il dit. On dit en disant. Donc, le signe te parle en disant. Allons vers d'autres dieux. C'est-à-dire que son accomplissement te pousse à aller accomplir maintenant les désirs des autres dieux, les divinités étrangères. Pas que le songe va venir dire que va faire telle ou telle chose, tu passes en marche. Et puis il dit maintenant que va servir d'autres dieux. Non, c'est pas comme ça. Satan est assez sage pour ne pas faire comme ça. Il est assez sage. Vous allez chez le marabout dit que non, c'est Dieu qui essaie. Donne seulement 5 francs ici. Il a les gains que Dieu, Satan lui donne. Mais il te dit les choses que va au village, tu peux te laver, la douleur disparaît. Vous voyez ce qu'il en est, n'est-ce pas? Tu dis, donc même là-bas, Dieu est là-bas. Vous pensez que Dieu n'a pas le pouvoir? Dieu est dans le plan. Qui a fait le plan? Ce n'est pas Dieu. Qui a fait l'homme? Ce n'est pas Dieu. Heureusement, tu as été captivé. Si l'évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour ceux dont le Dieu de ce siècle a voilé le visage. Vous y êtes? Maintenant, continuons dans ce verset. Verset 3. Tu n'écouteras pas les paroles de ces prophètes. N'est-ce pas l'une des choses encore en similitude avec 1 Jean 4, nous avons lu la dernière fois? Donc, on est en droit de refuser. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit dans cette intercession là-bas que éprouver les esprits, il faut qu'on ne rejette pas. Il faut qu'on les. Parce qu'on est en plein milieu où il y a les faux prophètes. Non, c'est pas n'importe quoi, même si on dit que c'est vrai. Je crois que les questions, on a posé des questions là-bas, les miracles, les buts des miracles, en quoi consiste des miracles, ainsi de suite. Maintenant, regardez. Tu n'écouteras pas les paroles de ces prophètes ou de ces songeurs. Car, écoutez bien, écoutez attentivement. Voici les paroles fracassantes de la Bible. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme. Vous avez vu ça? C'est pour ça qu'il dit dès le départ que les faux prophètes sont dans le plan de Dieu pour tester son peuple. Donc ne disons pas que non, tuons-les, oh Seigneur, que Dieu les tue. Non, s'il les tue, tu ne peux pas savoir si oui ou non tu sais que tu es dans la vérité. Il faut que le mensonge soit là pour confronter la vérité. C'est ça, hein? C'est Dieu qui dit que c'est lui qui... C'est ce qui est écrit là, noir et blanc, non? Soulignez mes chers, soulignez. Vous avez vu, n'est-ce pas? Je recommence encore. Il dit, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve. Donc Dieu met à l'épreuve par les faux prophètes. Les faux prophètes, les faux enseignants de la Bible, les faux docteurs, les faux évangiles, les faux pasteurs sont un test pour l'Église pour voir s'ils restent et demeurent dans la fondation des apôtres. Est-ce que vous saisissez? Quand vous voyez le film chinois, je crois que vous et moi nous sommes passés par là, vous voyez les films chinois. Vous allez remarquer que dans les films chinois, il y avait quelqu'un qui vient chaque fois pour voir un maître pour qu'on lui apprend le karaté. On lui apprend, il dit, le maître d'abord au préalable refuse et au-delà, il refuse, il prend des moyens pour le chasser, pour voir si celui qui a la volonté pour demeurer. Il utilise tous les genres de moyens pour le faire chasser, la personne ne part pas. Quand celui qui demeure là-bas, on lui donne les 10 épreuves, 10 épreuves. À un moment donné, après les séances de travail, il envoie d'aller acheter le vin très très loin en passant par la forêt. sachant que par la forêt, il va passer là-bas, il y aura des attaquants là-bas. Si la personne part, il va attaquer, il part jusqu'à ce qu'il revienne avec les voix. Il revient souvent avec les yeux rouges comme ça là. Mais il est quand même passé par les épreuves. En l'envoyant aller chercher le vin là-bas, il savait très bien qu'il doit confronter les adversaires là-bas. Mais comme il aime tellement son maître, il tient ferme jusqu'à ce qu'il l'amène cela. Donc ces gens-là qui sont en train de lutter là-bas sont exactement comme le faux prophète que Dieu a placé pour tester la force de celui-là. Parce que celui-ci apprend le caractère chaque fois sans combattre. Il ne saura pas si oui ou non il est fort. Si, il ne saura pas savoir quel est son niveau. C'est pour ça que Dieu laisse ton faux prophète là-bas pour tester si oui ou non tu tiens ferme à la parole, si tu aimes Dieu vraiment comme tu dis. C'est pour ça que Dieu a fait cela. C'est ça, n'est-ce pas? Je continue. Vous permettez que je continue? Alors, notez Exode chapitre 3, chapitre 7 jusqu'au chapitre 12. Notez. Je vais expliquer ce qu'il y a là-bas, vous allez voir. Et puis, on va y arriver. Je vais commencer maintenant. Que Dieu vous bénisse vraiment. Que Dieu vous bénisse. Des confrontations vont avoir lieu. La genèse de l'Église. Proprement dit, les prophéties de l'Église proprement dit vont commencer à se manifester au travers de la sortie des Juifs en Église, d'Israël en Égypte. Le symbole était bien clair là-dedans pour montrer effectivement que l'Église devait être rachetée des péchés de la souillure, n'est-ce pas? Lorsqu'ils sortent, avant de sortir l'Église, enfin les Juifs de là-bas, il faut qu'ils sortent par la main puissante. La puissance a été exercée pour le faire par des prodiges faits au travers de Moïse et autres, n'est-ce pas? C'est à cause de cela, c'est par cette grande puissance étendue par Dieu qui a fait que le peuple puisse sortir. C'est-à-dire que la résistance, le dominateur, l'oppresseur des nations puisse les laisser partir. C'est ça, n'est-ce pas? Alors, lorsque Moïse vient se présenter en Égypte, il y a confrontation entre la puissance des dieux et la puissance pharaonique, n'est-ce pas? Si Moïse est le représentant des dieux, Pharaon et ses disciples doivent être représentation de quelque part. Nous sommes d'accord? L'être humain en lui-même n'a pas de puissance. L'être humain en lui-même n'en a pas comme puissance. Alors Moïse est tenu là-bas, je crois qu'il a donné Exode chapitre 7 jusqu'au chapitre 11, pour que vous lisez ces confrontations là-bas. Il lance son serpent, son bâton, ça devient le serpent. Or Dieu lui a parlé dans le désert, que lance ton bâton, qu'est-ce que ça fait? Ça devient le serpent, parce que Dieu connaissait ce qui est là-bas. Il sait que c'est ce qu'ils font. Alors il lance le bâton, ça devient le serpent. Quand ils sont arrivés, Moïse dit, laisse partir mon peuple, ainsi parle le Seigneur, laisse partir mon peuple. Tu fais quel signe? Quel est de Dieu? Pour qu'on craigne Dieu, il faut qu'on voie sa puissance. Pour qu'on craigne Dieu, il faut qu'on voie sa puissance. Si vous continuez à parler de Dieu littéralement aux gens que Dieu fait avoir peur de Dieu, hein, il va se tourner à côté de toi, il va voir que quelque chose ne va pas chez toi. Parce qu'il connaît un grand-père qui mangeait, il connaît un ministre qui volait, il connaît un garçon qui volait, tous réussissaient. Mais quand Dieu exerce son jugement, manifeste sa puissance, la crainte s'empare chaque fois. C'est comme ça. Alors, Moïse s'est taisé là-bas, il a lancé le bâton. Pharaon a dit que si c'est le Dieu qui fait que le bâton devant, on se répand, qui te dit qu'il vient faire, c'est que peut-être c'est même mon Dieu qui t'a encore envoyé. Les autres sont pas dit que oh, venez, j'embrasse. Mais je lance pour vous. J'embrasse à lancer. Problème, c'est devenu le serpent. Moïse lui-même était étonné. Dieu ne lui a pas dit cela. Dieu était à l'œuvre pour montrer au fur et à mesure. Pour montrer que égal à égal, mais au moment donné, Dieu est Dieu. Amen. C'est ça, n'est-ce pas? Amen. C'est même un peu comme le monde se passe là-bas. Quand tu regardes le monde avec la pensée humaine, tu dis que franchement, on peut s'en sortir ici dehors. Mais Dieu dit ce qui est impossible à l'homme. Voilà. C'est ça, n'est-ce pas? Parce que quand tu regardes le dehors avec le péché, tu dis que, mais franchement, y a-t-il quelqu'un dans ce monde qui vit sans péché? C'est pour ça que les gens m'entendent prêcher, tu vois, il y a une seule chose. Les gens dans la maison, je sais ce que les gens disent. Quelqu'un écoute, il y a des gens qui écoutent, ils disent, ils dérangent. Ils croient qu'on est au ciel ici, là. Qui peut vivre ça ici sur la terre? Qui peut vivre la Bible aussi comme ça, là? La Bible, Dieu lui-même sait qu'on est faible. Il sait justement qu'on est faible, c'est pour ça qu'il a donné les règles. Il n'a pas donné la Bible que ce soit les anges qui lisent. Quand les anges disent, on a dit que si un ange vient dire quelque chose de contre là-bas, qu'il soit anathème. On a dit que les anges du ciel désirent plonger les regards vers l'évangile là. Amen. L'évangile c'est pour toi et moi. La vie chrétienne c'est pour toi et moi. Il ne s'agit pas quand tu mets le blanc sur toi. Si on met le blanc sur toi, que ton cœur est noir, c'est le cœur noir qui va se mettre là-bas. Parce que le blanc va se pourrir sur la terre là maintenant. Alors, lorsque l'évangile est prêché, il faut qu'on fasse attention. Il faut qu'on fasse attention pour savoir si l'évangile est prêché d'après le Saint-Esprit ou pas, si ce n'est pas d'après le Saint-Esprit. J'espère qu'il me fait comprendre. Vous avez moi? Moïse va lancer son bâton. Les pharaoniques vont lancer le bâton. Ça va avaler. Moïse prend encore ce bâton. Maintenant, il sort. Il va dire à Dieu que j'ai lancé le bâton. Où est-ce que j'ai lancé le bâton? Il dit que va demain, il va encore faire autre chose. Il tend le pied. Bam! Le saut avec le sang et autres. Tout ça, on va revenir sur tous ces aspects-là. Pourquoi Dieu faisait telle chose, tel miracle, sur tous les 10 plaies pour en sortir par rapport à ce qu'il en est. Alors, quand il frappe le sang, le gars dit hein, c'est que ça? On peut faire que ça devienne tout devient le foléré. Il part encore, il revient. Quand le corocoro a commencé, ça a gratté. Le gars, même le magicien n'avait pas le temps de faire. Pharaon, tu fais, il me fait laisser passer les gars parce que ici là, c'est le doigt de Dieu. Chacun alors comprenait que ici là, c'est grave. Amen. Amen. Dieu augmentait seulement la puissance. C'est pour ça que quand Dieu, cette chose-ci, c'est incompréhensible au point où Dieu, s'il vient avec toi, regarde quand il vient avec Jacob pour combattre avec Jacob. Il ne vient pas avec toute sa puissance. Il se met au niveau de l'homme. Jacob le cogne comme ça. Il a compris que sa créature, lui, il ne blague pas. Vous savez, ça n'a pas de Genèse, chapitre 32, où Dieu, Jacob lui avait Dieu. Jacob a donné tant ici, là. Dieu a fait un grand, grand. Jacob a donné un tant. Il a compris que Jacob ne blague pas. Que Jacob, il dit, tu as lutté avec Dieu, tu as gagné. Alors maintenant, ça, c'est Dieu, lutté avec l'homme. Jouant avec l'homme. Vous voyez ça, frère? S'il vient avec sa toute puissance, on va avoir peur de lui. Il veut qu'on ait sa crainte. C'est-à-dire qu'on ait confiance en lui, on s'éloigne du mal. C'est pour ça qu'il ne vient pas avec le courroux. Il vient dans la simplicité pour qu'on puisse le reconnaître avec amour. C'est ça, frère. Alors, ce Dieu dont là a manifesté sa puissance à Moïse. Mais regardez donc, dans ce livre d'Exode, vous allez voir effectivement que deux puissances se manifestent. L'un d'un côté, l'autre de l'autre côté. Et à un moment donné, chaque fois, c'est comme ça que Dieu a accompli. Vous lisez le livre de Notez 1 Roi, chapitre 22 aussi. Il vous a donné Jérémie, chapitre 27, Jérémie, chapitre 28. Jérémie, chapitre 27, chapitre 28. 1 Roi, chapitre 22. Notez le livre de 1 Roi, chapitre 22. Pour que j'aille rapidement. Notez aussi 1 Roi, chapitre 16 à chapitre 18. Je vais dire ce qui est écrit là-bas rapidement. Là, maintenant. Regardez. Dans le livre de 1 Roi, chapitre 17, chapitre 18, il est question d'Élisée, d'Élie, qui vient prophétiser sur Akab et sur toute cette tribu-là, qu'il n'y aura pas de pluie. Au chapitre 18, maintenant, il y a confrontation maintenant sur le mont Carmel. Et les êtres humains acceptent la confrontation avec un prophète des dieux. On dit, ok, mais faites dans votre autel, le dieu qui répondra par le feu, celui sera celui qui est le vrai dieu, pas vrai? Les êtres humains viennent là-bas, ils disent, oh, balo, balo, balo, balo, balo, répond, répond. Ils ont fait comme ça jusqu'à ce que 15 heures arrivées, personne n'était là, même Akab lui a compris que ici c'est fort. Pourquoi ces personnes sont allées là-bas pour accepter la confrontation? Parce qu'ils étaient sûrs qu'il y a une puissance qui va se manifester. Mais ils ne savaient pas que Dieu, la Bible déclare qu'il est le Dieu des dieux. Il est le Seigneur des seigneurs. Donc quand il dit la chose accomplie, il l'ordonne, elle existe. Donc quand il ferme, on n'ouvre pas. Quand il ouvre, on ne peut pas fermer. Alors, quand il partait à la confrontation, il croyait peut-être que c'est parce qu'ils faisaient souvent, ils avaient des résultats. Alors là-bas, Dieu a décidé dans sa souveraineté de fermer. Alors le prophète pouvait aller avec assurance. Il dit, versez l'eau, il verse. Versez encore, versez encore, versez encore, il verse. Il dit que, éternel Dieu des armées, afin qu'on sache que c'est sur ta parole que ça a été fait, que c'est toi qui ramènes leur cœur à toi. Donc Dieu a décidé de bloquer ces prophètes-là. Bloquer leur puissance pour manifester sa gloire. C'est pour dire quoi? L'adversaire a de la puissance. L'adversaire a de la puissance. Jésus est l'auteur de la toute puissance. Vous savez, n'est-ce pas? Donc, ne négligeons pas la puissance d'en face. Parce qu'avec la puissance d'en face, il manifeste certaines choses qui peuvent être proches de ce que Dieu fait. D'accord? Mais le déploiement va être lorsque l'Antichrist va être sur la terre manifesté. Lorsqu'il va apparaître. Avec toutes sortes de séductions. Quand tu vas fixer seulement les regards sur lui, si tu n'as pas le Saint-Esprit, enfin, comment tu vas le Saint-Esprit? Tu es encore là. Tu mets seulement le pied au stèle, tu prosternes la tête que tu es Dieu. Je vais vous expliquer que je peux vous comprendre. De la même façon, quand Jésus vient dans la vie de quelqu'un, le Saint-Esprit parle au travers de cette personne-là. De la même façon, l'Antichrist vient devant toi, tu es son enfant, tu vas manifester l'esprit Antichrist. Quand Marie est venue vers Élisabeth, oh, Élisabeth, il dit que, salut Élisabeth, il dit que, ah, la Bible déclare Élisabeth remplie du Saint-Esprit. Vous avez vu, n'est-ce pas? Comment ça dit que, comment est-ce que Élisabeth est emportée dans ce vent-là, en train de parler, poussée par l'esprit. Donc, il n'est plus sous son contrôle. Donc, quand l'Antichrist va se présenter, tu n'as pas le Saint-Esprit, oublie. Oh mon Dieu, wow. On dit qu'on adore, je me couche seulement souvent toi. Wow, wow, quel est comme Dieu, quel Dieu est comme toi. Et voilà qui est parti, l'Antichrist. Faisons attention, il est temps de chercher le Seigneur. Alors les miracles sont programmés pour perdre les gens. La Bible déclare dans ce livre de Deux Thessaloniciens qu'on a lu là-bas, et on dit même que ces signes et ces produits miraculeux là, c'est pour ceux qui périssent. Pour ceux qui n'ont pas aimé, n'ont pas eu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc il s'agit de prendre position pour la vérité. L'amour de la vérité peut être sauvé. On dit aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Souvenez-vous de cette phrase, on va développer ça la prochaine fois. Dieu leur envoie une puissance d'égarement. On vient de lire un exemple dans le livre de Deutéronome, chapitre 13 ici. Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Donc Dieu laisse effectivement que Satan domine sur eux pour qu'ils soient égarés. Amen. Tous les miracles ne viennent pas de Dieu. Tous les prophéties ne viennent pas de Dieu. Même si les miracles sont vrais et ça restaure certaines choses. Même si les prophéties sont vraies, ça donne certaines directions. toutes les bénédictions ne viennent pas de Dieu, même si ça bénit et que les générations sont bénies. Dans Actes chapitre 17, dans chapitre 17 et chapitre 19, là, on voit un monsieur qu'on appelle, comment s'appelle, Alexandre le Forgeron, celui-là qui, non, comment s'appelle, c'est Dimitrius, qui faisait, qui était orfèvre. Il avait toute une société avec les gens qui travaillaient là-bas. Il bénissait les familles, pas vrai? Des gens vivaient de cette chose-là. Il dit que notre entreprise, le bien-être, notre bien-être dépend de cela. Mais il fabriquait quoi? Le temple des idoles. Donc ça dit que sa source de revenus venait de la fabrication des temples des idoles. Et Dieu dit que l'homme qui fabrique les idoles est néant comme un. Mais ils avaient des bénédictions. Donc ça dit que l'esprit qui était là-bas, il était le serviteur pour faire la propagande de cet esprit-là. Et par conséquent, l'esprit était chargé pour les bénir également des biens matériels. Donc tous ces biens qu'ils mangeaient là, ils mangeaient les biens de l'idolâtrie. Vous voyez, toutes les bénédictions ne viennent pas des dieux. Toutes les bénédictions, parce que la Bible déclare que ce sont les bénédictions qui enrichissent, ne font suivre d'aucun chagrin. Il veut par là dire que d'autres bénédictions ne viennent pas de lui. Et là-bas, il y a le malheur derrière. Vous voyez, les jeunes gens, ils sortent 20 ans, grosse Mercedes, voiture de 400 millions. Et ils sont là, 2 minutes après, vous avez meurt. Où est-ce qu'ils ont pris cet argent? C'est venu de quelque part. Ils ont vraiment vécu dans le luxe, dans le truc, mais l'âme, c'est le diable. A vendu au diable. Faisons attention. La séduction par les miracles. Satan est sur le point de séduire les gens par les miracles. C'est pour ça qu'il envoie ces prophètes-là pour qu'ils puissent faire des grandes campagnes d'évangélisation où ça attire les foules. Et en bénéfice, il prend de l'argent, que c'est sa tactique. Il te copte, il te donne la puissance. En derrière, tu profites de l'argent que les gens qui ça va procurer. Satan moissonne l'âme au travers. Dans le chapitre 17, on a vu cette servante-là que l'apôtre a chassé l'esprit Python. La Bible déclare que les maîtres de cette servante, voyant la perte de leur gain, ont jeté l'apôtre Paul en prison. Donc cette femme prophétisait, l'argent qui entrait, ses maîtres prenaient, mais donnaient les vraies prophéties. Faisons attention. On est assez grand pour ne pas croire à n'importe quel miracle. Et au sorti de cet enseignement, de la deuxième partie, nous allons voir dans le développement comment discerner les miracles et répondre à toutes les questions que nous avons posées ici. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Amen. Bonne soirée. Amen.